Valérie Bille, Yala Nadino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin a donné pouvoir à Édouard de Noël, Mariem Diop, Kaline Tribi qui a donné pouvoir à Émilie Trigot, Amitché a donné pouvoir à Yala Nadino, Mamadou Sila, Manon Chrétien est là pour le début du conseil et pour des raisons, pour des causes de maternité, on va être amené à inverser en fait une délibération, on va s'occuper de son nourrisson et on va inverser une délibération et ensuite elle donnera pouvoir à Mona Bellil, Issan Ounissi, qui fête un heureux événement bientôt, a donné pouvoir à Olivier Taravella, Zora Kelly, Mona Bellil, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, Laurent... Ça va. Laurent Jamais, Angéline Desbordes-Silly, Raquel Garrido, que l'on félicite pour son élection députée de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis. Brillante. Grâce à Claire Laurence et Solène Le Bourris a donné pouvoir à Laurent Jamais. Donc nous avons... Non, j'en ai pas. Donc la séance est ouverte et je l'interromps pour donner la parole à l'association collective Sauvons l'îlot Pêche d'Or, Bergerie à Malassis, zone d'éducation. À défendre, Monsieur Marguet, vous avez la parole. Vous me donnez un micro ? Oui, il est là. Donc, nous avons adressé une question au conseil municipal, dont je vais donner la lecture. Pensez-vous, dans le contexte actuel de changement climatique, assorti de fortes et inquiétantes canicules, de préservation et de création partout sur le territoire national d'îlots de fraîcheur, de renoncement au tout béton et de déminéralisation partout où c'est encore possible, de lancement et d'adoption d'une charte de l'arbre sur notre ville, de l'annonce gouvernementale d'un programme de 500 millions d'euros pour la renaturation des villes, qu'il est encore opportun, réaliste et dans l'intérêt de l'école Pêche d'Or, de l'îlot Pêche d'Or Bergerie, du quartier des Malassis et de notre ville, de poursuivre le projet architectural actuel. Vous avez certes, monsieur le maire, été réélu pour un mandat de reconstruction d'une école, d'une crèche, d'un centre de loisirs, avec maintien de la bergerie, et nous vous soutenons, pas sur celui du projet architectural et urbanistique actuel. Le contexte actuel et à venir ne vous engage-t-il pas, au nom de l'intérêt général et de l'intérêt public, à refonder un projet architectural et urbanistique complet sur les bases, par exemple, d'un projet alternatif et forcé de le constater visionnaire, comme celui porté par l'association Sort de Terre. Excusez-moi pour ma respiration. Bon, mesdames, messieurs, chers collègues, quelques éléments de réponse. Et je mesure bien que ma réponse ne vous satisfera pas. Vous l'imaginez également. Nous avons eu l'occasion de discuter longuement du projet de reconstruction de l'école Pêche d'Or, de construction d'un centre de loisirs, d'une crèche et du déménagement sur site de l'association Sort de Terre, que nous tenons dans le quartier des Malassis. Nul n'ignore le contexte auquel vous faites référence. Nul n'ignore non plus que l'action publique se mène dans le temps long et que la parole publique, n'en déplaise à certains ou à certaines, engage. Nous, nous sommes engagés à reconstruire cette école avec une crèche, avec un centre de loisirs. Cela figurait de manière explicite dans notre programme municipal et nous nous sommes également engagés à faire en sorte que l'association Sort de Terre puisse continuer son activité dans le quartier des Malassis à proximité immédiate de l'école et le site sera mitoyen. Vous évoquez un projet alternatif. Il s'agit d'une discussion que nous avons eue avec l'association Sort de Terre au premier trimestre 2021. Le projet de ferme école qui nous avait alors été présenté pouvait, c'est certain, sur certains points, être séduisant. Deux écueils principaux, cependant, existaient. Le chiffrage qui nous était alors présenté incluait une indemnité d'effiction du maître d'œuvre sélectionné à l'issue d'un jury de concours. Mais le chiffrage était sous-évalué. Autre problématique, le projet dit alternatif qui nous était alors présenté nécessitait de trouver un site pour construire une école provisoire durant les travaux. Là aussi, nous n'avons ni le site permettant d'implanter une école provisoire, ni le budget permettant d'assurer le financement d'un tel équipement. Les travaux de construction de la nouvelle école, du nouveau centre de loisirs, de la nouvelle crèche, du nouveau RAM, effectivement, il y a un RAM, cher Zora, commenceront en juillet. Les ordres de service vont être signés. Il n'y a plus de projet alternatif possible. La concertation sur ce projet a été riche, longue, parfois sportive. Et pour ce qui me concerne, elle a débuté en 2015. En 2015, pas en 2020. La concertation sur le projet a démarré en 2015. De très nombreux échanges ont eu lieu avec l'ensemble des parties prenantes. Le projet a évolué de manière très substantielle grâce à cette concertation que nous nous sommes attachés à mener, grâce aussi à la décision que nous avons prise de ne pas construire les deux derniers bâtiments qui devaient être construits par Eiffage. Je le rappelle, plus de 100 logements. Plus récemment, vous le savez, de nouvelles réunions de concertation ont eu lieu avec la communauté éducative, les 13, 21, 23 janvier 2021, puis les 10 février et 28 avril. Ces nouveaux échanges ont aussi permis de faire évoluer le projet. La ville a laissé le temps à l'échange, à la co-construction. Désormais, le temps des travaux est venu et ils vont commencer. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard dans le cadre de ce conseil municipal avec l'approbation des protocoles d'accord avec l'association Sort de Terre, association avec laquelle nous échangeons de manière régulière, constante et riche. Donc voilà, on a bien conscience que pour l'association Sort de Terre, ça n'est pas le projet qui aurait été souhaité, mais à un moment donné, voilà, on doit avancer. Il y a, encore une fois, j'ai eu l'occasion de vous le rappeler sur site, Monsieur Marguet. Un jury de concours engage, des ordres de service signés fin 2018 après un accord donné engage. Et on ne peut pas se permettre de se désengager de la manière dont vous l'évoquiez. Donc voilà ce que je pouvais dire à votre interpellation. Compte tenu du sujet, si l'opposition souhaite intervenir dans le sujet plus tard, voilà ce que je pouvais vous dire, Monsieur Marguet. Et j'ai bien reçu la demande de rendez-vous qui m'a été faite. Si vous jugez utile que l'on se voit, on se verra. Je pense que ma réponse est suffisamment claire. Mais si vous pensez nécessaire de se voir, on se verra sans aucune difficulté. Voilà. Donc je réouvre la séance du conseil municipal et je propose de désigner comme secrétaire de séance Zora Kelly, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est désignée. Olivier. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Avant de passer à l'ordre du jour, je souhaitais, au nom de l'ensemble des membres de mon groupe, adresser un mot à notre collègue Raquel Garrido, qui a été victime cette semaine d'accusations particulièrement ignobles de la part d'un journal dont la chute progressive est malheureusement bien connue. Au-delà des divergences très fortes qui peuvent exister entre nous, à la fois sur le fond et parfois sur la forme, les attaques de ce type, qui rentrent en plus dans le cercle familial, le cercle intime, sont particulièrement inacceptables. Et donc on souhaitait marquer le coup en lui adressant à la fois notre soutien et puis condamner fortement cette accusation dont elle a été victime. Et avec elle également notre député, bien sûr, Alexis Corbière, qui est directement concerné. Concernant ce compte rendu. Pas d'observation, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Donc je vous propose d'inverser la délibération 2 et la délibération 23. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition, je propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Manon, soutien de la ville de Bagnolet à la candidature d'Est Ensemble auprès du fonds d'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Merci, monsieur le maire. Effectivement, cette note, elle intervient dans un contexte particulier, puisque début mars, nous avons déposé notre candidature auprès du fonds d'expérimentation dans le cadre du projet Territoire zéro chômeur. Et nous avons eu une réponse de ces derniers mi-avril, nous demandant d'apporter des précisions sur notre candidature, et notamment sur l'engagement de la ville sur les 5 premières années pour cette expérimentation. Donc c'est vrai que ça n'avait pas été acté dans notre candidature, ils avaient vraiment besoin de voir que la collectivité s'engageait dans ce projet, même si dans les faits, ça ne change rien, puisque nous continuons à être mobilisés au quotidien avec Est Ensemble, avec qui nous coportons ce projet, notamment dans l'intégration du comité communal que nous avons créé et dans la tenue régulière de réunions avec les acteurs locaux qui sont identifiés au sein de l'ANOU et de la capsulerie, puisque ce sont les deux quartiers qui sont visés. Donc ce soir, on demande d'approuver cette candidature, oui, mais surtout le soutien de la ville pour les 5 prochaines années. Est-ce qu'il y a des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Merci, Manon. Bonne soirée. Délibération suivante. Protocole transactionnel avec Madame Leïla Kitatni. Olivier. Non, on a... Ah, pardon. Non, on l'a inversé. Voilà, on la met à la fin, ce qui permet à Merlane Georges, qui travaille dans les Yvelines ce soir, à Mantes-la-Jolie, de nous rejoindre pour présenter la notice. Bah, ce serait triste qu'il puisse pas venir. Ce serait triste. Olivier. Qu'il prenne son temps quand même, on voudrait pas qu'il se blesse à nouveau. Mais donc on a un protocole transactionnel donc avec Leïla Kitatni, qui est agent de la collectivité, qui a été amené dans le cadre de ses fonctions à faire un déplacement sur la commune avec son véhicule personnel, faute de véhicule de service disponible à ce moment-là. Elle a été victime d'un accident de la route qui a entraîné un préjudice pour le véhicule, un préjudice qui a été reconnu comme relevant donc d'un accident de trajet. Et la ville, naturellement, prend en charge la fraction qui n'est pas prise en charge par l'assurance sur ce préjudice. Donc c'est le reste à charge pour Mme Kitatni par rapport à la prise en charge de l'assurance dès lors que c'était dans le cadre de ses fonctions. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observation ? Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante. Protocole transactionnel. Avec la Maïf, assureur de monsieur Mana Nabil. Olivier. Oui, donc c'est la délibération marronnier pour la débroussailleuse infernale. Vous connaissez le cadre, évidemment, dès lors que nous avons une franchise de 3 000 euros TTC pour les préjudices d'un montant inférieur, il est dans l'intérêt de la collectivité de procéder par ces protocoles transactionnels, et donc nous sommes invités à vous le présenter. Je redis ce que j'ai pu dire en revanche en réunion de commission, et mon collègue Vincent Doucissé, qui est en charge des espaces verts, travaille à cela aussi. Il y a tout un travail mené avec la nouvelle responsable du service sur la modernisation du matériel, notamment en allant vers du matériel électrique, ce qui est aussi un avantage évidemment pour la planète, et qui, je l'espère, dans le choix des matériels, permettra de limiter ce type de risque à l'avenir et donc d'éviter que j'aie à vous représenter trop régulièrement ce type de délibération. Monsieur Jamais. Oui, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, effectivement, vous m'avez piqué l'expression marronnier que j'allais utiliser, parce que c'est vrai que nous sommes à... Je crois tous les conseils municipaux depuis des mois, nous avons effectivement affaire à cette débroussailleuse voilà, qui est défectueuse visiblement, puisque elle génère depuis tous les conseils des sinistres sur lequel. Voilà. Par contre, effectivement, là, on est sur un courrier en date du 21 septembre 2021. Donc, on est quand même sur plusieurs mois. C'est vrai qu'entre le moment où l'incident a dû se produire et aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas aller aussi puisque je pense que la ville reconnaît ses torts, puisque ça vient au conseil municipal. Vous venez de répondre sur le fait que, effectivement, la modernisation devait s'effectuer, mais c'est vrai que ça fait, je crois, la première question que nous avions posée sur ce thème. Vous étiez déjà engagé à avoir un matériel qui ne soit pas défectueux. Est-ce qu'on peut maintenant s'engager également sur des délais? Et est-ce que nous aurons au prochain conseil municipal une nouvelle délibération concernant cette débroussailleuse? Je n'ai pas d'éléments à vous donner là-dessus à ce stade, n'en ayant pas connaissance de ce qui est en instruction, mais pour ce qui est des délais, c'est à la fois lié parfois au délai de traitement des assureurs, avant de pouvoir connaître le montant du solde. Et donc, il faut à la fois que soit évaluée la valeur du préjudice, ensuite constater si le préjudice est donc supérieur ou inférieur à cette franchise de 3 000 euros, et qu'ensuite on rentre dans une discussion avec la personne lésée pour savoir si elle accepte de signer un protocole transactionnel du montant qui est passé en conseil municipal. Et autant parfois, j'imagine, les personnes concernées peuvent être rapides à répondre, autant parfois ce n'est peut-être pas. Je n'ai pas de connaissance très précise du cas d'espèce, mais je pense que dans cette question des délais, il y a peut-être des délais liés à la ville, mais il y a aussi des délais certainement liés à l'assureur, à l'évaluation du dommage, et ensuite aux échanges propres entre la ville et la personne indemnisée. Voilà, il y a plusieurs éléments aussi intégrés. Quant à l'achat du nouveau matériel, peut-être Vassindou est mieux placé que moi sur Vassindou. Oui, le renouvellement du matériel d'espace vert est prévu au budget 2022, donc ça va intervenir assez rapidement, là, pour qu'on évite effectivement ce genre de sinistre d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je peux passer au voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante. Avenant numéro 2, au marché d'exploitation des installations de chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation et climatisation. Olivier. Donc, il s'agit de proroger le marché existant de 3 mois, l'objet étant d'une part d'aligner, de 6 mois pardon, l'objet étant, oui, c'est vous, vous avez raison. Ah oui, j'ai zappé, je suis allé, il y a la 5, pardon, accord cadre à bon de commande pour l'achat de fournitures. Non, mais vous êtes là. Tout à fait. Donc, il s'agit d'un accord cadre à bon de commande. Je devrais même ralentir le temps que ce soit. D'un accord cadre à bon de commande pour les fournitures scolaires, donc un marché très classique que nous renouvelons. Le dernier marché avait fait l'objet de quelques remontées négatives des usagers dans les écoles par rapport à l'adéquation entre l'offre et leurs besoins. Donc ça a été réintégré dans la réflexion sur la définition du cahier des charges. Nous avions 6 candidats qui avaient été soumissionné pour cet appel d'offres, donc plutôt une bonne mise en concurrence. Et donc, c'est la librairie laïque qui a été retenue dans le cadre de la commission d'appel d'offres qui s'est tenue il y a quelques semaines et qui donc est proposée au conseil municipal ce soir. Est-ce qu'il y a des remarques? Allez, oui. On est entre 100 et 115 000 euros en moyenne de mémoire. Mais je crois que c'est ça, hein. Sur les fournitures. Un peu moins. Après, il y a une dotation élève, donc selon le nombre d'élèves aussi, il y a une variation. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Donc, avenant numéro 2 au marché d'exploitation des installations de chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation et climatisation. Olivier. Donc là, pour le coup, il s'agit effectivement d'aligner les 2 marchés que nous avons de ce type sur les bâtiments communaux sur la même date de fin, 31 décembre 2022, tout en intégrant dans l'autre motivation qui était la nôtre, le fait que certaines des prestations qui étaient prévues dans ce marché n'avaient pas encore pu être réalisées par le prestataire, et ces prestations seront réalisées dans le cadre de cette période additionnelle. Ce qui explique la raison pour laquelle il n'y a pas de surcoût lié à cette prorogation, parce que les prestations qui étaient prévues n'ayant pas été toutes réalisées, elles le seront dans cette durée supplémentaire sans que ça ne génère de coûts supplémentaires pour le marché. Pour cette raison aussi, le projet d'avenant n'a pas été présenté à la commission d'appel d'offres puisqu'il n'était pas dans le cadre qui rendait cette présentation obligatoire. Madame Silly. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est vrai que je m'étonnais de ne pas avoir vu passer le projet d'avenant. Alors j'ai quand même quelques remarques et quelques questions relatives à cette délibération. Si je comprends bien, on a en 2017 attribué un marché d'exploitation des installations de chauffage et de clim, ou pour faire bref, je pense que c'est de la maintenance, de l'entretien, du renouvellement, enfin des trucs classiques, sur des bâtiments communaux, il s'agit bien de ça, à la société Corians. Bon. Et en 2019, le marché a été transféré à Engie Solutions. Le marché, un marché de 5 ans, donc arrive à échéance au 30 septembre 2022, et pour un montant à peu près, je n'ai plus les chiffres en tête, mais disons 700 000 euros. Là-dessus, on est bien d'accord. Alors déjà, première question, pourquoi y a-t-il eu un transfert de ce marché à Engie Solutions? Parce que je rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'Engie Solutions, par l'intermédiaire de la TCB, est l'opérateur, le délégataire du réseau de chaleur de Manulais, qui fonctionne avec l'efficacité qu'on lui connaît. Bon. Donc première question, pourquoi ce transfert? Vous allez répondre. Et je suis quand même, on est quand même surpris de ce que vous venez de dire, Olivier Taravella. Pas de surcoût sur ce projet, pour la simple raison que, je cite, certaines prestations de maintenance prévues au marché n'ont pas été réalisées. Je suis d'autant plus surprise, et puis on est aussi inquiet, que la SDCB et Engie Solutions, pour faire simple, pour faire clair pour tout le monde, est régulièrement mise en défaut, même si effectivement c'est pas prouvé et qu'évidemment il n'y a pas de contentieux, mais enfin on a quand même un réseau de chaleur qui dysfonctionne. Peut-être allez-vous me dire que ce sont deux choses totalement différentes. Je pense que vous allez me dire que c'est... Mais il n'empêche qu'on a le même opérateur à qui, alors je pense qu'en 2023, on prolonge le contrat jusqu'au 31 décembre 2022, je suppose, pour harmoniser l'ensemble des contrats de fourniture. Je suppose qu'au 1er janvier 2023, je ne sais pas à quel moment le marché public sera lancé, mais on va renouveler à Engie Solutions l'ensemble des contrats de ce type pour la ville, même si ce n'est pas dit dans la délibération. Donc, et j'arrêterai là, et puis après j'ai peut-être une dernière question à vous poser. On va attribuer un marché supplémentaire à Engie Solutions, alors même qu'on a un réseau de chaleur qui est défectueux avec, alors, et qu'on a en 2019 quand même investi, je ne sais plus, c'était 8 millions d'euros dans un plan d'investissement, que le marché a été prorogé et que les usagers, cet hiver comme les précédents, ont subi des avaries, des interruptions de services, ont eu froid, pour faire les choses clairement. Voilà, donc, et que pour terminer, quand même, on a un tarif facturé aux usagers qui est à peu près, disons, 20-25% supérieur aux tarifs facturés dans les autres villes disposant d'un réseau de chaleur. Je ne sais plus, c'est 93 euros le mégawattheure pour 75 euros la moyenne nationale. Voilà. Donc, bon, c'est un avenant que vous passez comme ça de façon assez rapide, mais simplement, je pense qu'il était important qu'on sache, qu'on comprenne bien que cet opérateur-là mériterait, là vous allez me dire pour quelle raison, alors c'était ça ma question, pour quelle raison les prestations de maintenance prévues au contrat n'ont-elles pas été réalisées? Peut-être vous allez me parler des années du Covid, mais c'est intéressant de savoir pour quelle raison, une fois de plus, on prend cet opérateur en défaut de service, et puis j'aimerais que vous répondiez à la question simplement pourquoi il y a eu un transfert de marché à Engie Solutions. Je vous remercie. Olivier. Alors, pour que chacun comprenne bien, donc, le réseau de chaleur, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le réseau de chaleur primaire. Je le dis pour vous, mais bon, je le dis aussi pour ceux qui nous regardent, évidemment, en visioconférence. Il y a le réseau de chaleur primaire, c'est-à-dire la tuyauterie qui, depuis la source de production, la chaufferie des roses, amène la chaleur et l'eau chaude sanitaire vers les immeubles. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle le réseau secondaire, qui est le réseau interne aux immeubles eux-mêmes ou à plusieurs blocs d'immeubles, selon comment, évidemment, ils sont configurés. Là, on parle bien du réseau secondaire, c'est-à-dire c'est totalement différent de la production avec la SDCB. Il n'y a aucune connexion entre les deux. On a deux marchés pour une raison simple, c'est que toute l'installation dans les écoles, par exemple, est relativement ancienne et relativement simple d'un point de vue technique, mais l'installation pour l'hôtel de ville, qui a différents mécanismes d'échange de chaleur, de transfert, notamment pour la ventilation, est assez technique et assez complexe et nécessite une technicité particulière que n'ont pas tous les prestataires. Et pour se donner le maximum de chances d'avoir une mise en concurrence efficace, on a souhaité scinder les deux lots pour s'assurer d'avoir beaucoup de prestataires en capacité de répondre sur autres bâtiments communaux et des prestataires spécialisés sur hôtels de ville et je crois que c'est 6 Rioche et le CMS. Là, il y a deux sujets. Donc, le premier sujet, c'est pourquoi Engie Solutions. En fait, régulièrement, des sociétés réorganisent leur portefeuille d'activité, des sociétés sont cédées à d'autres sociétés, et lorsqu'on cède une société à une autre société, on récupère également les droits et obligations afférentes aux sociétés antérieures. Dans le cas d'Espèce, ce qui s'est passé, c'est que Corians a cédé son portefeuille d'activité lié à ce type de prestation à Engie Solutions, et dans le même temps a cédé à Engie Solutions les droits et obligations, dont les contrats antérieurs à la société Engie Solutions. Nous avions d'ailleurs, à cet effet, passé un avenant de transfert à l'époque, qui n'est que l'accompagnement juridique de ce transfert, mais qui est de droit. C'est-à-dire que la société est dans son plein droit de dire « j'ai acheté à telle société ses activités et donc les contrats qui vont avec, et donc je suis votre nouvel opérateur ». Et la ville n'a pas son mot à dire sur cette opération. Elle passe simplement l'avenant de transfert de manière purement formelle. Donc la ville n'intervient pas dans ce processus. La ville avait attribué un marché à Corians, aujourd'hui c'est Engie Solutions, mais c'est sans intervention de la ville. Ensuite, évidemment, on va renouveler ce marché, vous avez raison. Et je dis aussi pour ce qui est des prestations non réalisées, évidemment, lorsqu'il y a des prestations non réalisées dans un marché, la ville, à la fin, quand on fait les comptes du marché, il y a une compensation financière qui est demandée de ce qui n'a pas été réalisé. On solde l'équilibre du marché. Et la particularité pour ces marchés, c'est qu'ils étaient assortis d'un système de rémunération en partie fonctionnant selon une logique de bonus-malus. C'est-à-dire qu'à la fin des opérations, on va faire un bilan de ce qu'ils ont réalisé comme performance selon une grille avec des bonus s'ils ont été meilleurs que ce sur quoi ils s'étaient engagés au début du contrat et un malus s'ils ont été moins performants que ce sur quoi ils s'étaient engagés au début du contrat. Ça, je ne pourrais vous le dire que l'année prochaine, évidemment, à la fin du contrat, lorsqu'on fera les comptes, mais il y a bien un système de suivi assez proche. Pour le coup, vous dites qu'il faut suivre ces contrats de très près. Pour le coup, avec ce système de bonus-malus, on a fait en sorte, dès le départ, M. Jamais, à l'époque, siégeait à la commission d'appel d'offres, il doit s'en souvenir, d'avoir ce système de bonus-malus qui permette justement de donner des objectifs quantifiables à la société. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez-y. Pardonnez-moi, Olivier, je n'ai pas compris pourquoi. Enfin, pas entendu, peut-être que j'étais distraite, pour quelles raisons les travaux n'ont pas été réalisés ? À ma connaissance, mais je n'ai pas ce niveau de détail, il y a un mix entre effectivement Covid et les difficultés de chaîne d'approvisionnement sur certains matériels, notamment pour ce qui est de l'hôtel de ville, où il y a des armoires très spécialisées pour en fait piloter tous les systèmes d'échange de chaleur qui sont propres à l'architecture de ce bâtiment, qui ont mis parfois beaucoup de temps à être acquis. Voilà, c'est ce que j'ai comme information à mon niveau, mais je n'en sais pas plus. Monsieur Jamais. Une toute petite question. Je n'étais pas présent à la commission, j'ai été représenté par Pierre, mais savoir quels sont les travaux qui restent à réaliser dans les 6 mois afférents. N'ayant pas la liste là, ce que je vous propose, c'est qu'on vous la transmette dans un second temps, si ça vous convient. Très bien. Avec le compte-rendu du Conseil. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante. Approbation du rapport du SRIF 2021. Olivier. Donc le FSRIF, qui est un fonds de péréquation, donc de solidarité horizontale entre les communes de la région d'Île-de-France, fonctionne selon un principe où donc, les communes riches de la région d'Île-de-France cotisent à un fonds de 350 millions d'euros qui est ensuite réparti entre les communes considérées comme pauvres de la région d'Île-de-France. Lorsque ce dispositif a été mis en place en 2012, il y avait la volonté politique qu'il fasse l'objet d'un rapport annuel au sein duquel les communes bénéficiaires du fonds faisait état des dépenses qui avaient pu être réalisées grâce à cette somme, bien que les recettes liées au FSRIF ne soient pas des recettes affectées à des dépenses particulières. Simplement, il s'agit de lister des dépenses qui rentrent dans les objectifs du fonds, qui sont la réduction des écarts de richesse et le soutien des politiques publiques de solidarité, de cohésion sociale, etc. Voilà. Donc c'est un outil assez formel, mais qui est d'une certaine manière artificiel. Il répondait à une nécessité d'équilibre politique au moment où le dispositif du FSRIF a été mis en œuvre. Et donc on s'astreint évidemment à ce fonds, mais qui n'est qu'une valorisation de ce qui peut être fait par ailleurs. Des remarques ? Monsieur Lyonnais. Oui, bon, évidemment, nous voterons ce fonds dont bénéficie la ville et auquel elle a droit. Juste une petite question, j'ai vu que j'ai oublié de poser en commission. Dans le listing des actions qui sont affichées, la dernière s'appelle Régie Environnement, je crois pour 17 000 euros. Je n'avais pas en tête à quoi ça correspondait. Hein, si... Bonne question. Vas-y. Alors, j'avoue que sur ce point, on a une direction de l'environnement qui exerce un certain nombre de dépenses en régie, d'entretien des espaces verts, etc. Donc, j'imagine que c'est ça que ça regroupe, puisque c'est la même terminologie que celle qu'on emploie pour ce type d'activité en interne. Mais voilà, ça mériterait d'être confirmé avec mon collègue Vincent Doucissé. On peut regarder ça. Monsieur Jamais. Oui, évidemment, comme vient de le dire Pierre, on va voter pour. C'est bien qu'on soit bénéficiaire de ce fonds. Ceci dit, il me semble que c'est une question qui est posée tous les ans. Et si mes souvenirs, on a tous été un peu bousculés par la période électorale, mais je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais visiblement, il y a des risques à des moments donnés qu'on soit dans l'obligation de donner à ce fonds. Puisque la ville est considérée comme étant, à un moment donné, passant dans une strate où elle devra contribuer. C'est un des risques que prennent un certain nombre de villes. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit toujours fort sur la question de la solidarité régionale et faire en sorte que les villes qui sont aujourd'hui à l'est de la région Île-de-France puissent bénéficier mieux encore de la solidarité des villes qui sont beaucoup plus riches, qui ont une population qui connaît moins de problèmes que les nôtres. Et je crois qu'il faut là-dessus aussi savoir parler d'une seule voix pour dire qu'il y a de l'injustice territoriale, il y a effectivement une grande partie des Hauts-de-Seine, des Yvelines, une grande partie de Paris dans lequel il y a des populations qui sont... qui aujourd'hui bénéficient de bien plus de choses que nous, qui sont plus riches que nos populations, et c'est aussi une question d'égalité territoriale. Alors je ne peux que partager ce que vous dites, puisque je l'ai écrit dans le rapport d'orientation budgétaire, en disant que dans les enjeux qui nous guettaient d'ici la fin de la décennie, il y avait l'évolution socio-économique des habitants de la ville de Bagnolet entraîne un accroissement de son revenu moyen par habitant, de son potentiel financier et fiscal, et donc un déclassement progressif au titre des dispositifs de la politique de la ville et de la péréquation, jusqu'au moment, effectivement, où on risque d'arriver à un seuil où on va basculer du rang des bénéficiaires au rang des contributeurs. Alors, le risque n'est pas immédiat, mais on va devoir s'habituer, effectivement, à être moins accompagné sur ces dispositifs dans le futur, probablement. On commence déjà à avoir une décroissance de nos attributions au FSRIF et au FPIC, par exemple. Sauf à ce que les enveloppes augmentent, effectivement, on va être sur cette dynamique. Et donc, c'est un enjeu pour nous. Monsieur Vionnet. Si je peux me permettre juste une petite question qui n'est pas directement en lien, mais comme on a évoqué il y a quelques minutes un point autour de la question d'environnement, je voulais me permettre, si vous l'acceptez, de vous poser une question sur l'aménagement en cours de la rue Grain d'Orge, parce que je me souviens que ici même, lors de l'examen budgétaire, vous aviez justifié sur les crédits liés à la politique environnementale au sens large cet aménagement, puisque je me souviens qu'on avait eu un échange, puisque j'avais évoqué une rue où je l'habite et où le réaménagement... c'était quand même traduit par la plantation d'aucun arbre, une minéralisation intégrale, etc. Et vous m'aviez dit, on fera différemment sur Grain d'Orge. Alors, j'ai bien noté qu'il y a quelques fosses d'arbres, et donc qu'il y aura quelques arbres. Malgré tout, moi, je voulais un peu vous questionner là-dessus, parce que j'avoue, en plus, par un hasard, c'était en pleine journée de canicule. D'ailleurs, je sais que plusieurs de mes collègues ont fait la même observation que moi. On voyait couler de l'enrobé ou de l'asphalte noir sur chaussées et trottoirs. On sait aujourd'hui que beaucoup de villes... alors, on ne va pas rentrer dans une discussion technique, mais sur la chaussée, l'enrobé est un matériau qui a pas mal d'avantages, mais aujourd'hui, en trottoir, beaucoup de villes évitent de mettre des matériaux bitumineux, d'une part parce qu'ils ont un bilan carbone assez terrible puisqu'ils sont issus d'hydrocarbures, et d'autre part, surtout, dans la logique des îlots de chaleur, on sait que plus une matière est sombre, plus elle réchauffe, et on voit qu'aujourd'hui, quand c'est possible, on met du stabilisé, qui est en plus un matériau naturel et poreux. Quand il y a trop de flux et que les villes jugent qu'un stabilisé ne serait pas assez résistant, elles mettent, on voit aujourd'hui de plus en plus de béton clair, qui ont un bilan carbone légèrement meilleur, et puis surtout qui sont clairs. Donc je m'interrogeais un peu sur les choix qui ont été faits sur ce réaménagement de la rue Grain-d'Orge, et j'aurais aimé avoir quelques explications de votre part. Et puis, je ne rajoute pas le reste. Alors, je sais que les emprises étaient contraintes, mais j'ai bien vu qu'il n'y a pas d'aménagement cyclable non plus, que les arbres... Alors, c'est mieux que rue des Lauriettes, parce qu'il y en a quelques-uns. Donc, je peux admettre que c'est mieux. Mais malgré tout, il n'y en a pas énormément. Ils sont de manière très classique dans des fosses, alors qu'on sait aujourd'hui qu'à la fois pour la vie des arbres et pour la biodiversité... Plus on arrive à faire des grandes bandes arborées dans lesquelles les arbres sont pris dans du végétal, mieux c'est, à la fois pour leur développement et pour la biodiversité. Donc, comme c'est un sujet d'actualité qu'on voit tous en sortant de l'hôtel de ville, ça me semblait intéressant que vous nous donniez quelques éléments d'éclaircissement. Alors, quelques mots d'abord à dire que ce projet de réaménagement de la rue Grain-d'Orge a fait l'objet d'une vaste concertation avec les habitants. On a abouti à la version 3 du projet. On est parti d'une version 1 présentée en conseil de quartier. On a abouti à la suite d'un travail de concertation à une troisième version. Aujourd'hui, on a effectivement une rue où on va avoir des arbres. Il va y avoir 7 arbres. Comme l'objectif de la ville, c'est de diminuer la place de la voiture en ville, on va avoir moins de places de stationnement dans la rue Grain-d'Orge. On passe de 25 places comptabilisées aujourd'hui à 9 places. Effectivement, il y a encore un travail sur la question du goudron que vous évoquez, notamment en période de canicule. Ça fait partie des choses qui doivent être discutées avec... avec les entreprises titulaires du marché, en l'occurrence l'entreprise Jean Lefebvre, mais ça fait partie des sujets que l'on doit traiter. Mais la rue Grain-d'Orge sera une belle rue, réaménagée, avec des arbres, avec des trottoirs plus larges, plus sécures pour les enfants qui vont à l'école Fromont. Et je pense qu'on pourra être fiers de cet aménagement, mais il y a encore des choses... effectivement, à améliorer, et le but, c'est de toujours s'améliorer. On aura l'occasion de présenter en réunion publique dans les prochains jours le projet de réaménagement, de piétonnisation, en l'occurrence, de la rue Raoul Berton, qui démarrera dans les prochains mois. Donc voilà, donc tout ça fait partie d'une politique globale, et Edith Félix aura l'occasion également de nous présenter le résultat des études qui sont actuellement menées par un cabinet extérieur sur les questions de flux de voitures, puisque nous serons amenés à revoir les questions de sens de circulation dans tous les quartiers de la ville, et ce sera le cas dans les prochaines semaines. Le travail est en cours, il doit nous être présenté, j'espère, dans les prochaines semaines, mais c'est un gros travail qui a été engagé avec l'idée de limiter la place de la voiture en ville. C'est l'objectif que nous poursuivons et qui sera mené dans les prochaines semaines. Monsieur Stalens. Non, juste une question, est-ce que cette rue sera cyclable, monsieur le maire, dans les deux sens, en contresens pour les vélos et dans un sens classique avec un aménagement sécurisé pour qu'on développe justement dans ce type de moment une volonté franche de laisser la place au vélo, par exemple, moins de voitures, vous venez de le préciser, peut-être plus d'arbres, est-ce que 7 auraient suffi, en tout cas suffisent pour cette rue, pour lui apporter de l'ombre dont les piétons auront besoin, j'en suis pas sûr. Et ma seconde question est pourquoi ne pas avoir planté de deux côtés? Est-ce que c'est un problème technique? Parce qu'on n'est pas prévu de planter des arbres des deux côtés de la chaussée, d'un seul côté. On sait que cette rue est exposée plein sud, donc elle reçoit le soleil abondamment. Et juste cette question, est-ce que c'est une raison technique qui vous a empêché sur la droite, quand on la remonte, d'installer et de prévoir des arbres? Et est-ce qu'elle sera cyclable? Tu veux dire un mot, Edith? Alors, la rue sera cyclable, évidemment. Dans les différents dispositifs qui rendent des voiries cyclables, il y a principalement le fait d'apaiser les circulations, comme l'évoquait M. le maire. Et là, en l'occurrence, en centre-ville, c'est vraiment notre objectif. Donc, en l'occurrence, la vitesse aujourd'hui de cette rue est limitée à 30. Il y a en plus des passages piétons qui sont... très bien marqué, donc il y a des aménagements qui en font qui font que ce sera en tout cas une circulation apaisée, et donc ce faisant, à partir du moment où une voie est à 30 km/h, le double sens cyclable, sauf arrêté du maire, est possible. Donc les vélos pourront emprunter cette rue dans les deux sens et dans des conditions qui normalement seront pas compliqué. Sur l'enrobé, des marquages sont prévus au sol. Vous dites oui, bien sûr, il y aura des marquages au sol. Pas d'apaiser cette rue pour laisser les vélos circuler. Il y a d'autres mises en place qui sont prévues. Oui, bien sûr. Alors, il y aura du marquage au sol dans les deux sens avec des pictogrammes des vélos dans les deux sens et au milieu de la chaussée pour bien montrer que justement c'est aux voitures de laisser la priorité au vélo finalement. Donc on prend le parti, enfin a priori, hein, je ne préjuge pas de ce que le plan vélo qui est en cours de composition, d'élaboration, mais qui est imminent et que je vous présenterai, j'espère, à l'automne ou à l'hiver. Enfin, à l'hiver, oui, probablement, à l'automne. Dira, mais en tout cas, l'idée, c'est que plutôt que de faire des bandes cyclables en double sens qui pourraient ne pas laisser au vélo légitimité, enfin qui pourrait faire penser aux voitures qu'elles ont la place et que les vélos doivent se contenir dans leur bande. L'idée, c'est vraiment de marquer le double sens vraiment très clairement au milieu de la chaussée, de façon à ce que les automobilistes comprennent que il faut qu'ils laissent la place au vélo. Voilà. Sur l'enrobé noir, c'est juste une question technique, hein, c'est que c'est quand même le revêtement le plus facile à entretenir et à maintenir. Dès qu'on ouvre une voirie ensuite pour faire un branchement, un raccordement, c'est fait par différents prestataires. Si l'enrobé n'est pas noir, s'il y a d'autres types de revêtements, on risque d'avoir une voirie qui est laissée ouverte, qui n'est pas refaite avec la bonne couleur ou qui n'est pas refaite du tout. Voilà, donc c'est pour faciliter l'intervention. Voilà. Mais je conçois que ça se discute en temps de canicule. Donc on pourra voir. Sur les arbres, il y en a bien des deux côtés. En revanche, ce sont des fosses qui sont étroites, qui ne sont pas continues. Voilà. Et il y a des fosses sur la droite prêtes à recevoir des arbres? J'en ai vu aucune. Non, qu'un côté. Un seul côté. Il y en a que d'un seul côté. Oui, pardon. C'était oui, oui, oui. Il y en a que d'un seul côté. Toutes mes excuses, il n'y en a que d'un seul côté. Et aucun à droite. Non, oui, c'était une promesse qui n'était pas de moi. Oui. Ça fait l'objet. Oui, du fait qu'on a... On a... Non, mais est-ce que c'est technique ou c'est juste un choix de votre part? Non, ça fait l'objet de discussion en réunion publique. Ouais. Émilie Trigo. Juste vraiment un mot, parce que c'est quand on a fait la réunion publique sur le réaménagement de la rue Grindorge, il y a plusieurs propositions qui ont été présentées aux habitants, avec les arbres d'un côté, les arbres des deux côtés, plus ou moins de stationnement. Et c'est ce projet-là qui est sorti au bout de au moins deux ou trois réunions publiques avec les habitants. Et enfin, moi, qui ne suis certainement pas spécialiste ni de la voirie ni des arbres, pour le coup, on avait des projets avec des arbres des deux côtés. Donc c'est vraiment un choix des habitants de dire on laisse un côté où il y a du stationnement et un trottoir sans arbres, et le trottoir le long de l'école avec les arbres. Donc c'est pas technique, c'est un choix des habitants. Mais au-delà des habitants de cette rue, je pense que plein de bagnoles telles empruntent, de toutes les façons, à pied, en voiture. Ça a été pardon, excusez-moi, monsieur Stalin, si je vous coupe, ça a été présenté au conseil de quartier aussi. Oui, mais le conseil de quartier va interroger les personnes qui habitent expressément tout autour ou à côté. Ils vont avoir une notion assez personnelle de ce qui peut être fait, ça me paraît logique. On va protéger, si on met un arbre devant une fenêtre, bah forcément, ça va contrarier, ça va impacter l'entrée de lumière. Donc, les gens, voilà. Mais je pense qu'on a une nécessité que d'interroger les gens qui vont être impactés directement, mais tenir compte aussi du bien commun. Et je pense que le bien commun aurait été de sécuriser cette rue pour les vélos. Vous me dites qu'elle va l'être, je l'espère. Je trouve qu'elle est un petit peu compliquée par rapport à cette chicane. Et d'entrevoir peut-être que une nécessité d'ombrager la ville au-delà de cette rue était une nécessité à proposer et à défendre auprès de ses riverains. Par ailleurs, juste si vous me permettez, je crois que Madame Félix avait aussi eu des réunions avec les représentants des parents d'élèves de l'école Fromont. Et pour le coup, cette fois, on a quand même un conseil de quartier résident et parents d'élèves de l'école. On commence à avoir touché un sacré paquet d'usagers plus largement que les habitants de la rue. Pas d'arbre. Tout le monde a dit pas d'arbre à droite. C'est le choix qui a été fait au bout de la concertation. Mais je vous invite fortement à participer à la prochaine sur la rue Raoul Berton. Comme ça, on pourra choisir ensemble. Moi, j'estime aussi que la concertation, enfin, il faut aller plus loin dans nos aménagements et dans le confort des habitants dans nos paysages urbains. Voilà. Il y a une question aussi de travail avec l'eau de pluie. Qui est très importante parce que c'est l'eau de pluie qui va permettre que les arbres vivront mieux s'ils peuvent garder les ruissellements des pluies. Il y a même toute une réflexion en cours sur le fait que les eaux de pluie, ce n'est pas seulement sur l'espace public, mais qu'aujourd'hui, toutes les parcelles privées qui sont raccordées à des collecteurs collectifs, oui, pardon, c'est ça, un réseau collectif de collecte des eaux de pluie. C'est l'idée que ces eaux de pluie, c'est une richesse pour notre ville et qu'on aurait intérêt à les considérer, voilà, les conserver sur notre espace public. Donc chacun devrait travailler à la parcelle, chacun est responsable de chaque goutte compte. On était hier soir dans une réunion avec quelqu'un du SIAP qui nous disait « nous sommes débordés ». Aidez-nous, chacun a la responsabilité de nous aider sur les eaux de pluie. Donc effectivement, chacun, c'est les privés, c'est les aménageurs, c'est les bailleurs sociaux, mais c'est aussi effectivement la ville et les espaces publics. Donc on prend le sujet à bras-le-corps. Il faut aller tous ensemble assez loin sur le sujet, j'en suis convaincue. Et ça va évidemment avec la végétalisation, avec le fait qu'on aménage sur nos voiries des espaces où cette eau peut juste passer le temps qu'elle tombe. Effectivement, ça prend un peu de place, mais c'est très important. C'est aussi un facteur d'attractivité, enfin de confort, d'attractivité pour rafraîchir le paysage. Il y a aussi un problème d'inondation dessous. Donc si le SIAP tire la sonnette d'alarme, c'est parce qu'en fait, plus ça va, plus le tissu urbain se bétonne. Ce faisant, toutes les eaux sont rejetées au réseau d'assainissement, parce que c'est un réseau, on a un seul réseau unique, et ça engendre des coûts, parce qu'on est obligé de faire des usines immenses, et puis ça engendre en fait une saturation, ce qui fait que ces eaux, parfois, elles partent sans traitement directement dans les rivières et ça pollue. Donc c'est le SIAP lui-même qui nous dit « aidez-nous ». Donc moi, je suis convaincue qu'il faut qu'on travaille ensemble sur nos paysages urbains pour réfléchir à aménager l'ensemble des paysages urbains pour garder au plus près de la source, donc vraiment un traitement à la source et partout avec une multitude de petits ouvrages, de façon à ce que ça ne ruisselle pas vers le bas. Voilà. Donc sur la rue Grindorge, effectivement, mon regret, c'est que la concertation n'a pas encore pris, donc a bien pris les questions de piétonnisation, de plus de place, de meilleur partage des mobilités. La grande absente, et j'ai raconté une anecdote comme ça de cycliste, voilà, la grande absente, c'est toujours la nature, la renaturation et les eaux de pluie. Donc j'invite tous les citoyens qui nous entendent, effectivement, à réfléchir, à venir nous aider à réfléchir sur nos aménagements publics travailler ensemble à construire la ville qu'on souhaite pour demain, qui soit beaucoup plus fraîche, moins traumatisante aussi, parce que les gens qui ont des inondations en souffrent. Il y a quand même beaucoup de gens qui me parlent de leur cave inondée, etc. Et donc voilà, il y a tout à gagner à travailler ensemble. Et donc on est très inspiré par des personnes de Belgique qui ont fait ça sur la région de Bruxelles, qui nous disent oui, c'est une question de redistribution. Et les pouvoirs publics sont débordés, en fait, clairement. Et donc il faut qu'on arrive, nous, à redistribuer les capacités qu'ils ont d'organisation et de financement pour s'en saisir à nous et nous réapproprier nos paysages. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut nous rassembler tous pour la ville de Bagnolet. Et voilà, donc c'est un grand appel que je... Edith, moi, je suis évidemment totalement d'accord. Ah, pardon. Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais intervenir sur la question des cyclistes. En tant que cycliste, je suis un peu étonnée de la demande sur cette rue. Autant le marquage au sol d'un contresens cycliste peut être discuté, autant effectivement la priorité, c'est la réduction de la vitesse à cet endroit-là. Et je pense que quand on est cycliste, le problème, c'est les jonctions. Donc effectivement, le cycliste qui arrive, c'est plutôt après qu'il va un peu avoir, voilà, quand il va passer le périph, même si tout ça est sécurisé et qu'il y a des pistes cyclables. C'est pas dans cette rue-là qu'il va se sentir en insécurité. Et en sens inverse, la même chose, je pense que voilà, quand le cycliste arrive rue Hoche, il est plutôt « Hourra, super, ça y est, j'y suis ». Donc je suis assez... je pense que politiquement, il y a beaucoup à faire pour les cyclistes à Bagnolet. Évidemment, on en est tous conscients. C'est les grands axes, les jonctions et l'apaisement, la réduction de la voiture en ville. Ça, c'est vraiment une priorité, surtout auprès des écoles. Donc, tout ce qui peut être fait pour la réduction de la vitesse, ça, c'est vraiment une priorité. Et je ne trouve pas du tout plaisantin de dire que la vitesse est une question clé et que c'est ça qui sécurise à la fois, enfin, la réduction de la vitesse, ça sécurise à la fois les cyclistes et les piétons. Monsieur Lionel, je ne sais pas. Oui. Juste, oui, je m'apprêtais à dire qu'évidemment, sur l'eau, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Edith. Mais la seule chose, effectivement, c'est qu'il convient de le mettre en pratique hein, et pas seulement d'en parler. Hein. Et c'est vrai que, par exemple, ce que j'évoquais, des bandes végétales qui abritent les arbres, il y a aujourd'hui un certain nombre de villes qui ne font plus de bordure, ce qui, d'ailleurs, en termes de coûts financiers de l'investissement, fait taire quelques économies, et font directement, par un système de légère noue, de la récupération des eaux pluviales. Et en plus, on est dans un département où on peut aller voir des exemples extérieurs, mais on est dans un département qui a été pilote, hein, parce que moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle sur la plaine Saint-Denis, le département de la Seine-Saint-Denis, en l'occurrence son service de l'eau, était considéré comme département pilote en France sur toute la question des noues, sur toute la question de l'assainissement alternatif. D'ailleurs, les gens qui étaient là à l'époque sont tous allés fonder des bureaux d'études aujourd'hui nationalement reconnus. Oui, OK, sur l'eau, je pense qu'on est pleinement d'accord sur la philosophie, mais il faut qu'on arrive à passer des mots aux actes. Et du coup, je pense que pour finir, effectivement, il y a une question de volonté politique, parce que tout à l'heure, en me répondant, M. Di Martino, vous avez renvoyé un peu sur la question des matériaux à l'entreprise Jean Lefebvre. Mais le maître d'ouvrage, c'est vous, hein, c'est votre prestataire. Et en plus, à Bagnolet, des aménagements clairs, il y en a eu pas mal. Il y en a sur la place de l'Hôtel de Ville, il y en a devant l'école Joliot-Curie, il y en a au Malassis. Donc, ça ne serait pas une innovation dans notre ville. Et c'est vrai que par rapport à la question des reprises, je l'évoquais dans ma question, effectivement, souvent, on continue de mettre de l'enrobé en chaussée parce que c'est souvent sous la chaussée que sont les réseaux et c'est là qu'il y a le plus de reprises. Généralement, il y en a quand même beaucoup moins ou pas du tout sous les trottoirs, ce qui permet de mettre d'autres matériaux. Venez à la réunion de présentation sur l'aménagement de la rue Berton et vous constaterez que la question des eaux de pluie est prise en compte de manière sérieuse. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pas d'autres remarques? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Délibération suivante, dotation politique de la ville pour les travaux de construction du groupe scolaire Langevin, intégration du centre socio-culturel pour un montant de 200 000 euros. Donc j'ai Olivier et Chocky. Oui, très rapidement, parce que je laisserai évidemment Chocada développer sur le projet lui-même, mais dans le cadre de notre programme pluriannuel d'investissement, donc vous avez pu prendre connaissance lors des présentations budgétaires, nous avons notamment la reconstruction du groupe scolaire Langevin et donc de ce centre socio-culturel. Donc nous avons fait plusieurs demandes de cofinancement au niveau de l'État, à la fois à la DSIL et à la DPV. Nous avons été retenus pour ce qui est de la DPV. Et sur la DPV, nous allons avoir un financement en plusieurs phases pour accompagner les différentes phases du projet. Là, on est sur la phase initiale de l'opération et donc sur une base de 2 millions d'euros de dépenses, 200 000 euros hors de cofinancement. Chocky. Merci, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, chers collègues. Donc, la ville de Bagnolet a effectivement sollicité une subvention pour la création d'un équipement public dédié au centre socio-culturel de la Fosse aux Fraises et qui devait donc être intégré à ce projet de reconstruction du groupe scolaire Langevin. Il s'agissait jusqu'à présent de la meilleure option qui s'offrait à nous. Néanmoins, vous devez savoir que nous travaillons en parallèle sur la réhabilitation du quartier de la Capsulerie Centre-Sud, en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés, les bailleurs, la ville, etc. Et donc, dans cette optique, il est apparu une nouvelle option qui nous semble plus judicieuse de mettre en œuvre, notamment avec la réhabilitation de la résidence Adoma, ce qui permettrait d'avoir un équipement public dédié au centre de quartier de la Fosse aux Fraises, en plein cœur du quartier de la Capsulerie. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que possible des avancées sur ce sujet. Et je profite de l'occasion pour revenir rapidement sur des éléments qui me semblent importants de partager en séance au Conseil municipal en matière de politique jeunesse et vie sociale des quartiers. Comme vous le savez, une politique publique ne saurait se construire par simple juxtaposition de discours et de positions. Elle se bâtit sur un consensus à la fois politique et institutionnel qui sont le résultat d'efforts réalisés par différents acteurs sociaux et politiques qui aspirent à bâtir ensemble un projet, et c'est le cas de notre ville. Évidemment, une politique jeunesse et vie sociale des quartiers modèles n'existe pas. Elle est forcément le fruit d'une analyse et d'une vision de la manière dont ces différents acteurs souhaitent travailler et donner sens à un projet sur le territoire. J'ai pu constater que les jeunes, les élus et les professionnels nourrissent une ambition commune, l'ambition de voir les jeunes prendre place dans la cité. Dans la déclinaison politique et opérationnelle de cette ambition apparaissent des divergences, certes, mais les convergences de points de vue quant aux moyens à déployer pour y parvenir sont bien plus importantes. Il s'agit ici pour moi d'affirmer un état d'esprit, une posture, avant de proposer des mesures précises. Deux principes semblent incontournables dans la définition de la construction de la politique jeunesse et vie sociale des quartiers. Tout d'abord, la reconnaissance de la place des jeunes et des habitants dans la cité, et enfin le sens donné à l'action. Ces principes clés doivent être placés au cœur de notre projet. Tout au long de ces deux années de mandat durant lesquelles recherche et action étaient les mots d'ordre principaux, trois notions clés sont apparues dans les discours des jeunes, des élus et des professionnels durant les temps d'échange et de travail, avec des intensités différentes selon le positionnement de chacun, positionnement politique d'une part et institutionnel d'autre part. Il convient sans cesse d'interroger et de réactualiser le paradigme de référence. Une politique jeunesse et vie sociale des quartiers se doit d'expérimenter de nouveaux projets et de nouvelles formes d'intervention auprès des jeunes et des habitants, avec les premiers concernés, c'est-à-dire avec eux-mêmes. Par exemple, à propos de l'accès aux services et aux espaces publics, plusieurs pistes ont été évoquées. La création d'espaces dédiés en libre accès et autogérés par les jeunes, le fait de recréer des postes de médiateurs, qui est une proposition d'ailleurs unanimement portée par les jeunes, créer de nouveaux métiers innovants dans la médiation avec des formations ad hoc, ou encore développer le travail des professionnels hors les murs ou sur la plage horaire décalée du fonctionnement actuel pour favoriser l'accès au plus grand nombre. Il est évident ici que ces propositions viennent bousculer les politiques publiques telles qu'elles ont été pensées et mises en œuvre depuis des décennies dans des projets d'animation de territoire à Bagnolet. Alors, qu'est-ce que nous apprennent ces propositions ? D'une part, la logique d'équipement est à dépasser, notamment pour retisser du lien avec les jeunes. Il devient donc nécessaire d'expérimenter de nouvelles pratiques. D'autre part, le besoin exprimé par les jeunes d'avoir à leur côté, dans les différentes étapes de leur parcours, des pairs, c'est-à-dire des jeunes ayant le même parcours et la même situation qu'eux, et non pas exclusivement des professionnels positionnés dans un rapport généralement institutionnel descendant. C'est ce qu'ils nous disent, principalement quand ils nous parlent de médiateurs de quartier. Et enfin, la remise en question des métiers actuels dans les équipements de quartier. Jeunes et élus, surtout, un peu moins les professionnels, parlent plus de médiateurs pour appuyer l'idée que l'accompagnement répond mieux aux besoins des jeunes adultes plutôt que l'encadrement. Tout cela suppose d'expérimenter de nouvelles pratiques et de remettre en question l'offre existante, ou du moins de l'interroger. L'expérimentation ne va pas forcément de pair avec une prise de risque. Néanmoins, pour qu'une phase expérimentale soit la plus créative possible, il faut s'autoriser à tenter des projets, organiser le tâtonnement pour faire progresser l'action politique dans les quartiers. Cela signifie que les élus et les professionnels doivent accepter de ne pas avoir la main sur l'ensemble d'une démarche, ou alors qu'un projet puisse éventuellement leur échapper. Par exemple, lorsque l'on souhaite créer un espace dédié aux jeunes adultes en autogestion, qui répond à un besoin d'espace de frottement permettant aux jeunes de se confronter à d'autres univers socio-économiques et culturels, eh bien, cela ne peut se faire sans prise de risque qui intègre la prise de conscience qu'un tel projet peut échapper à tout moment. Par ailleurs, sur la thématique de l'insertion sociale et professionnelle, l'idée de faire se rencontrer les jeunes et les employeurs dans des formes originales est largement revenue suite au job dating organisé avec la SNCF dernièrement. Et nous travaillons d'ailleurs à l'organisation de nouveaux job dating plus réguliers et encore plus originaux pour la rentrée à venir. Somme toute, l'expérimentation, la prise de risque et les espaces de frottement évoqués tout à l'heure constituent une sorte de triangle politique dont chaque terme est indissociable les uns des autres. Il s'agit là du socle sur lequel s'appuiera dorénavant la politique jeunesse et vie sociale des quartiers pour notre ville. Sachez par ailleurs que nous sollicitons également le concours d'un cabinet externe d'études et indépendant dès la rentrée pour sonder les besoins et les améliorations voulues par la population dans les quartiers et en particulier sur le fonctionnement de nos centres socioculturels dans notre ville. Et pour conclure, comme nous nous y étions engagés aux côtés du maire et de la majorité municipale, nous mettrons tout en œuvre pour rendre la ville à ses habitants. Je vous remercie. Merci, Monsieur Germain. Écoutez, oui, on a eu une longue intervention qui dépasse et de loin le centre de la délibération. Ce serait intéressant, d'ailleurs, bon, on réécoutera avec attention ce qui vient d'être dit. Mais il y a juste un truc sur lequel j'ai envie de réagir, j'ai une question. C'est, j'ai entendu quelque chose un peu, on critique... je dirais, de métier, de profession. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut s'appuyer aussi sur les expériences qui n'ont pas fonctionné dans différentes villes, avec des politiques qui étaient, à mon sens, qui ne visaient pas à faire, comme on dit, faire progresser, grandir, aider la jeunesse, appuyer sur des gens bien formés. Je dis ça parce que, on est dans le cadre de la fonction publique territoriale, avec des gens qui organisent des services, doivent pouvoir bénéficier de formations en nombre et peuvent aussi appréhender les problématiques qui sont en évolution, avec des problèmes qui vont ne cesser, malheureusement, de se durcir par rapport aux jeunes et une situation qui potentiellement risque d'être beaucoup plus dure. L'accès à l'emploi, évidemment les aspects de discrimination, enfin tout un tas de questions qui me semblent, voilà. Et c'est vrai que trop souvent, et ça a été le cas ici, et pas seulement sous votre mandature, hein, mais on recrute un petit peu dans le vivier, voilà, local. Voilà, la mairie est un lieu où on peut recruter des jeunes de nos quartiers, etc. Ça me semble être évidemment une bonne chose, mais je crois qu'il faut savoir aussi mixer et se doter aussi de professionnels avec des gens bien formés qui soient en capacité d'appréhender toutes les problématiques complexes auxquelles les jeunes ont à faire face. Ça, c'était la première remarque, donc on écoutera avec attention ce que vous avez évoqué tout à l'heure. La deuxième chose, c'est parce que juste avant de rentrer au conseil municipal, des membres d'une association qui habite voilà, l'association des familles de Bagnolet, qui avait prévu ce week-end une braderie, une petite brocante voilà, dans le quartier, ont reçu une information comme quoi ça serait annulé. Alors vous avez fini par parler de participation des citoyens, voilà, c'est malheureusement là une bonne initiative avec des gens qui s'emploient et moi je suis pas allé les voir régulièrement, mais enfin à chaque fois qu'on a pu se déplacer pour voir ce qu'ils faisaient était intéressant, ils se voient donc nous sommes jeudi il me semble, c'est ça, à deux jours d'un événement voient leur événement annulé, ce qui est quand même triste et on aimerait connaître la raison. Bah, ce qui est triste surtout, c'est qu'il y ait de telles informations erronées qui circulent, parce que figurez-vous que j'ai reçu, juste avant de rentrer tout à l'heure en conseil municipal, sur mon portable, un coup de fil d'une habitante à qui, bien entendu, je n'avais jamais donné mon portable, mais visiblement, c'est une mode dans le quartier que mon numéro circule. Donc, bon, peu importe, ça c'est pour le côté anecdotique, et qui m'a posé la même question que vous. Simplement, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements concernant l'organisation de cet événement. Si vous voulez, il y a deux événements, par exemple, il y en a un le 25, à la capsulerie, et il y en a un le 26 aux coutures. Il y a une association qui s'appelle en l'occurrence l'association Win-Win aux coutures qui a eu la décence de m'adresser un courrier pour me demander et pour m'informer de l'organisation d'un événement, et une autre dont on a découvert qu'il y avait un événement organisé par une association à l'occasion de la publication d'un flyer avec un certain nombre de sujets sur l'occupation de la voirie, sur la mobilisation d'équipes de secours, etc., etc. Donc ce qui a été dit par mail, notamment par mon directeur de cabinet, c'est écrit, hein, les écrits restent, les paroles s'envolent, c'est que, ça a été adressé à la directrice du centre de quartier, c'est que l'association assumait l'entièreté de la responsabilité pour l'organisation de l'événement. Donc l'événement n'est pas annulé. Voilà, donc ce qui a été dit par des responsables de l'association, et effectivement la personne qui m'a appelé a été la première surprise, puisqu'elle m'a dit, mais monsieur le maire, je suis désolé, un, de vous appeler, et deux, on m'a dit que c'était annulé, donc bah non, voilà. Enfin, justement, moi j'ai pris la précaution de savoir si toutes les démarches avaient été entreprises, ce qu'on m'a assuré, donc voilà, il faudra qu'on éclaircisse. Moi je n'ai pas été, le on en l'occurrence, bon, vous connaissez mieux la permanente de l'association que moi, mais bon, peu importe, on ne va pas polémiquer. Nous, on n'a pas eu de déclaration. Mais il faut une déclaration en préfecture pour organiser une brocante. Il faut mobiliser le service des ASBP pour sécuriser les voies. Ça n'a pas été le cas. Il faut mobiliser un certain nombre de services. Ce n'est pas le cas. Donc, si l'association souhaite organiser la brocante, elle l'organise et elle assume la responsabilité. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et franchement, c'est ce qui a été écrit noir sur blanc par mon directeur de cabinet. Mais parfois, les mauvaises informations circulent. Vous pourriez être un tout petit peu facilitateur, dans le sens où c'est un événement auquel beaucoup de citoyens se sont engagés et investis pour sécuriser, ne serait-ce que la manifestation, le service des SVP, faire en sorte quand même de permettre. Le service n'a pas été sollicité, j'ai pas été sollicité, donc à un moment donné, les ASVP... Je crois qu'elle a sollicité par deux fois la voirie, en tout cas pour l'occupation de la voirie. Je crois parler de recommandé le 13 mai et par mail le 16. Il y a eu un mail qui a été adressé sur la boîte générique DGST Voirie. Ça, je vous le confirme. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a eu une démarche d'un côté, une démarche de l'autre. Donc, l'association veut organiser l'événement et elle l'organisera. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais les ASVP n'ont pas eu de demande. Enfin, on n'a pas eu l'info. Pourtant, il y a des choses, c'est pas très compliqué. C'est peut-être une structure de demande qui a été mal. Non, je pense pas. Je pense pas. En tout cas, cet événement est important pour beaucoup de citoyens. Il faut peut-être faire en sorte qu'il puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Sécuriser un événement comme celui-ci, c'est une vraie responsabilité, vous le savez. Raison pour laquelle l'association peut-être hésite aujourd'hui à aller au bout. Je pense qu'elle a besoin de votre aide. En tout cas, elle a besoin... Effectivement, lorsqu'on organise un événement et qu'on fait payer les exposants 6 euros pour l'emplacement, on est dans le cadre d'un événement qui nécessite un certain nombre d'engagements, de conditions de sécurité, de sollicitations. Donc là, en l'occurrence, on a essayé d'avoir beaucoup d'informations. On a beaucoup galéré. Voilà, après, je ne vais pas rentrer dans les détails des échanges, mais on a beaucoup galéré pour avoir des informations. Et si vous voulez, on a y compris demandé à voir le nombre d'inscrits pour l'événement. Et dans un premier temps, on nous a dit non avant de changer d'avis. On m'a dit que vous demandiez une liste, la liste nominative des exposants. Peut-être que je me trompe. C'est, on m'a dit demandé liste le nombre des inscrits. Le nombre des inscrits. Mais vous êtes bien informé. Non, la permanente fait bien son travail. J'ai reçu une information. Effectivement, vous l'avez compris. J'en reçois une autre ce soir et je vais essayer d'en faire une synthèse. Donc la ville n'a pas annulé l'événement. Voilà. Émilie Trigo. Juste un mot sur ce qui concerne mon périmètre, donc uniquement les ASVP. Il est évident que quand on reçoit des demandes, on les étudie. Le tout dans la bonne marche du service et le respect des agents. Ils ne sont pas hyper nombreux. Vous êtes bien, enfin tout le monde, mais tout le monde est bien placé pour le savoir. On leur en demande beaucoup. Et c'est sûr que sur un week-end, être à 7h30 sur les marchés à la sauvette le samedi et le dimanche, plus l'après-midi sur une brocante, il y a un moment donné où ça ne tiendra pas dans un week-end. On ne saura pas rajouter des ASVP le samedi après-midi. Alors, ce n'est pas de chance. On sait qu'on est en fin d'année, que les événements se multiplient. Mais c'est sûr que quand il y a un événement organisé par une structure municipale et une demande d'heures supplémentaires accordées au service des ASVP qui nous arrive et qu'à côté, on a un événement avec pas de demande, c'est évident que moi, je ne sais pas faire. Et les agents ASVP qui, cette semaine, étaient aussi avant 9h, c'est-à-dire avant l'heure officielle de leur début de service, devant l'école Ferry pour faire la rue aux écoles, etc., etc., il y a un moment donné, ils ne savent plus faire, les ASVP. Donc, ça sera avec beaucoup de bienveillance et de réponses positives le jour où, pour un événement futur, on aura une demande. Mais vous l'avez quand même reçu, cette demande d'occupation. J'apprends aujourd'hui. Non, mais moi, je suis responsable des ASVP, pas de la voirie. Et moi, et DGST.voirie, s'il n'y a pas dans le mail une demande d'ASVP, le truc ne coule pas de source, en fait. Parce que parfois, il y a des associations qui font des événements et qui n'ont pas besoin d'encadrement des ASVP. Donc, si on veut les ASVP, il faut... Alors après, si dans le mail envoyé à la voirie, il y a et on souhaiterait des ASVP, on n'est pas complètement débile, on arrive à se faire circuler les emails. Mais là, ce n'est pas le cas. D'accord. D'autres remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Dotation politique de la ville pour l'aménagement de la briqueterie pour 1,5 million. Donc, juste un mot. D'abord, ça montre qu'on sait aller chercher des subventions. Puisqu'on nous reproche souvent de ne pas aller chercher de subventions. Et ça a été souvent dit et même écrit sur le projet autour de la briqueterie, de la reconstruction du collège. Nous avons mené une consultation publique l'an dernier concernant la reconstruction du collège travail. Deux sites étaient soumis au choix des habitants, des habitantes. Les habitants ont largement choisi le site du Parc des Sports de la Briqueterie. Donc, le département mène la réflexion, le travail sur la reconstruction du collège. De son côté, la ville, sous l'égide de Mona Bellil, élue chargée des sports, mène la concertation avec les associations sportives. L'objectif de la ville, c'est que l'ensemble de l'offre sportive présente sur le site aujourd'hui soit reconstituée. L'ensemble de l'offre sportive sur site où, ça ne nous a pas échappé, dans le cadre du NPNRU, nous avons prévu, dans le cadre du PPI, une enveloppe de 2,3 millions d'euros pour la reconstruction d'une salle de lutte et de combat qui est financée dans le cadre du NPNRU par l'État et qui reçoit plutôt la satisfaction des associations utilisatrices, en l'occurrence principalement le club Bagnolet Lutte 93. On n'a pas tranché sur le choix du terrain. Il avait été évoqué pendant un temps un terrain synthétique. D'autres souhaitent que ce soit une pelouse. Donc ce choix n'est pas tranché aujourd'hui et il le sera à l'issue d'une concertation avec l'ensemble des parties prenantes, avec la population. On a organisé une consultation publique pour choisir le site du futur collège. Bon, on ne va pas imposer un choix d'un terrain, on connaît les avis des uns et des autres. Donc ça n'est pas tranché. On a un sujet aujourd'hui avec le département qui travaille sur la question de la salle de gym. L'objectif, c'est que la pratique de la gymnastique puisse également se poursuivre dans le cadre du futur équipement. Voilà, donc ce travail se poursuit. Et moi, je me félicite quand même qu'on puisse obtenir une subvention d'un montant de 1,5 million d'euros dans le cadre de la DPV. Donc j'ai Olivier, j'ai Anne, j'ai Mona et Jean-Claude Oliva. Et Pierre Vionnet. Moi, je vais faire très court parce que monsieur le maire a déjà presque tout dit, mais effectivement, donc on a un projet de l'ordre de 4,8 millions d'euros, toutes taxes comprises, ouais, sur la restructuration du site briqueterie et la modernisation des équipements sportifs, dont 1,5 million d'euros au titre de la DPV, en attendant évidemment d'autres financements qu'on sera amené à solliciter une fois que le projet aura été précisé. Merci Olivier. Anne, d'origine. Oui, merci Monsieur le maire. Bien sûr, nous voterons cette délibération, mais je voudrais exprimer le point de vue de Bagnolet en commun sur deux éléments. Le premier élément, c'est la question de l'opération destruction-reconstruction de la tribune, où là, on souhaiterait pouvoir travailler avec Est Ensemble sur la possibilité de recycler les matériaux qui seront détruits sous des formes. Bon, c'est une question assez compliquée. Il y a beaucoup d'essais qui sont faits pour essayer d'avoir du recyclage soit sur place là, soit à distance. Nous pensons également au réemploi possible. C'est une question à laquelle il faut réfléchir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments de l'ancienne tribune qui peuvent être remis dans la nouvelle. Ça s'est fait dans d'autres villes. Bon, on ne sait jamais. De toute façon, là, on a une masse de béton qui est un peu... d'autres décennies, on va dire, mais il y a sans doute quelque chose de possible pour faire au mieux en termes de recyclage et de réemploi. La deuxième chose, c'est effectivement, monsieur le maire en a parlé, la question de la pelouse, de la future pelouse. Donc on sait que beaucoup de communes aujourd'hui, notamment en Seine-Saint-Denis, quand le foncier est très rare, vont se trouver face à ce choix de la pelouse naturelle ou artificielle. Alors la pelouse naturelle, vraiment, compte beaucoup d'avantages en matière écologique, que ce soit l'absorption des poussières et des saletés, que ce soit la production d'oxygène, que ce soit aussi l'absorption de CO2 et que ce soit enfin le rafraîchissement possible sur le terrain et tout autour, sachant que c'est un collège, donc ça a son importance. On peut imaginer, il y a beaucoup d'arrosage, donc on peut imaginer là une récupération des eaux de pluie. Je me tourne vers Edith Félix qui peut-être nous trouvera un système. Mais nous entendons aussi la demande des associations sportives en faveur d'une pelouse artificielle qui permettrait sans doute, même s'il faut être assez prudent là-dessus, un usage hebdomadaire plus intensif et des performances sportives supposées plus hautes, notamment une accélération possible. Bon, là-dessus, il y a quand même un débat de sportifs pour savoir si cette plus grande vélocité est vraiment sensible pour les pratiques non professionnelles. En tout cas, ce qu'il nous semble, c'est que tous ces éléments du débat doivent être donnés lors de la concertation, notamment au regard du défi climatique, de la proximité du collège. Et nous souhaitons que, pour les contenus aussi, j'en ai pas parlé, mais d'autres en parleront, des nuisances pour les usagers, des nuisances possibles. Bon, là, c'est aussi, on s'améliore, mais il y a des nuisances pour quant au contact des matières synthétiques. Compte tenu de tout cela et du défi climatique, nous soutenons la pelouse naturelle. Merci. Mona. Bonsoir à toutes et tous. J'ai l'impression qu'Anne a piraté mon ordinateur parce que les arguments, tu les as présentés. Alors effectivement, il y a un sujet, enfin qui n'est pas véritablement un sujet parce que les services, avec les services, on travaille hein, à l'étude sur l'ensemble en fait du projet, hein, donc, c'est-à-dire la partie affrétée à la ville hein, pour laquelle on est maître d'œuvre. Donc la partie briqueterie et la partie collège-travail avec le conseil départemental pardon, sur lequel on est en corrélation et en relation directe sur ces différents projets. Effectivement, il y a un sujet sur la pelouse, enfin synthétique ou en gazon. On a commandé auprès de de notre assistant à maîtrise d'ouvrage, un bureau d'études, une étude comparative sur les avantages et les inconvénients de l'un ou de l'autre. C'est vrai que chacun présente ses désavantages et des inconvénients. La pelouse, effectivement, tu as mis en avant les différents avantages, mais en termes de consommation d'eau, il y a 3 ans, on a quand même fait une consultation sur l'eau, une votation citoyenne sur l'eau, donc on est tout à fait conscient à Bagnolet de cette ressource naturelle et donc de sa raréfaction et donc la nécessité de bien entretenir cette ressource. Et à côté, effectivement, on a la partie synthétique, on parle d'îlots de fraîcheur, îlots de chaleur. Moi, j'ai rencontré encore récemment, il y a une dizaine de jours, l'entraîneur de l'équipe de France junior qui, effectivement, me disait que la pelouse naturelle était top, mais qu'en termes de pratique intensive, ce qui est le cas pour le rugby, on a un important club sportif qui est connu, très très connu en France, j'en découvre tous les jours sur ce club, donc effectivement pour la pratique intensive, il n'y a rien de mieux que le synthétique. Donc là, je ne dis pas qu'on a fait notre chapeau porte sur telle ou telle nature de terrain, comme ce qui est fait d'habitude, c'est-à-dire qu'à l'issue de la réception de cette étude, donc avantages inconvénients, comme ce qui se fait à l'instar des autres élus ici présents lorsqu'il s'agit d'un projet d'une grande ampleur, même comme dans n'importe quel projet, on présentera ça dans les instances ad hoc et on prendra une décision collégiale sur cette partie-là. Voilà. Jean-Claude Oliva. Oui. Il y a un an, une votation citoyenne retenait le site sportif de la briqueterie pour la reconstruction du collège Travail Lanchemin. Comme vous le savez, ce n'était pas le choix de notre groupe, mais nous respectons bien entendu la décision collective de nos concitoyens et nous voterons cette délibération. Toutefois, nous continuons à nous mobiliser pour réduire les conséquences négatives pour la population et pour l'environnement du choix de ce site qui comporte beaucoup de contraintes. La note qui nous est présentée évoque un bâtiment en R+2 avec parking souterrain. C'était un point qui était mentionné très clairement dans le Bajomag présentant les 2 sites possibles l'an dernier. Malheureusement, cela ne semble plus d'actualité d'après les échos que nous avons d'une rencontre organisée ce mois-ci par le conseil départemental avec la communauté éducative du collège. Le parking serait de plein pied et surmonté d'une salle de gym. Le réfectoire serait en vis-à-vis du parking. On peut rêver mieux comme vue au moment du déjeuner. Les locataires de l'OPH auraient également vue sur le parking. Ce changement est peut-être motivé pour des raisons d'économie. Nous souhaitons pour notre part que les engagements qui ont été pris devant la population il y a un an soient respectés et qu'on en revienne à un parking souterrain. La municipalité, qui a toute légitimité pour défendre les intérêts des habitants de notre ville, doit s'exprimer dans ce sens auprès du département. Second point qui concerne directement la ville, la démolition de la tribune actuelle de 2000 places, qui a été évoquée par Anne de Rugy, et avec laquelle on est tout à fait en phase. Cette démolition va produire des milliers de tonnes de gravats. Si ceux-ci sont évacués par camion, cela constituera une nuisance très importante pour les habitants, avec le passage de centaines de camions dans les rues pendant plusieurs semaines. C'est aussi un coût environnemental conséquent, avec l'émission de polluants, particules fines tout au long du trajet, et une abondante consommation de carburant au moment où tout devrait nous inciter à la sobriété énergétique. Il existe une alternative, c'est le recyclage sur place de ces gravats en matériaux de construction du collège. Cela réduirait d'autant le nombre de camions, dans l'autre sens aussi, pour amener de l'extérieur le matériau de construction du collège. Nous souhaitons que cette alternative soit mise en œuvre. Il y a de nombreuses expérimentations et expériences tout court qui ont été menées, y compris dans notre département et même dans le territoire d'Est Ensemble. Et donc, c'est de la responsabilité de la municipalité, en lien bien sûr avec le conseil départemental, qui doit mentionner l'utilisation de ce matériau recyclé dans son cahier des charges pour la construction du collège. Emmanuel Constant, vice-président du département chargé de l'éducation, que nous avons saisi de cette demande via la vice-présidente écologiste Nadia Azoug, a souligné dans sa réponse la démarche de réduction des déchets, de réemploi portée par le département et inscrite dans son nouveau référentiel pour une construction durable. Cela demande la réalisation préalable d'étude de la part de la ville pour que le concepteur du collège intègre cette question. Bref, ville et département, il faut maintenant passer aux actes. Troisième point qui nous préoccupe et qui a également été évoqué, la question de la pelouse du terrain du rugby qui doit être déplacée. Effectivement, selon le choix effectué, pelouse synthétique ou naturelle, un nouvel îlot de chaleur urbain sera mis en place ou non. Il faut y réfléchir à deux fois en 7 ans caniculaires. La pelouse synthétique imperméabilise le sol et absorbe la chaleur qui est restituée ensuite pendant la nuit, créant un point chaud pour tout le voisinage. Il y a aussi une incidence financière non négligeable. 1,6 million d'euros pour la nouvelle pelouse synthétique du rugby club d'Aulnay, 242 000 euros pour la nouvelle pelouse naturelle de Noisy-le-Sec. Avec le montant d'investissement de la pelouse synthétique, on pourrait refaire en pelouse naturelle le terrain de rugby, mais aussi un des terrains de foot d'Érigonde et également, le jardin rue Louise-Michel promis depuis des années aux habitants. Dans le débat, je voudrais aussi peut-être revenir sur cette question de la consommation d'eau, effectivement, qui peut être importante pour un espace de cet ordre. Dans mon esprit, il ne s'agit pas de consommer de l'eau potable pour arroser ce genre d'espace. Effectivement, ça va complètement dans le sens de la démarche évoquée tout à l'heure par Edith Félix, c'est-à-dire on a une ressource qui est l'eau de pluie. Utilisons cette eau de l'eau qui tombe sur tous les bâtiments et qu'on se précipite pour canaliser et pour envoyer dans le réseau d'assainissement. Utilisons cette ressource, faisons des bassins d'orage minuscules, je dirais, sur place, à la parcelle, sur les toits environnants. Et avec cette ressource, on arrosera la pelouse. Sur la question de la pratique intensive, pour avoir discuté, je dirais, un peu à bâton rompu avec le club de rugby, il a une utilisation de cette pelouse 20 heures par semaine. 20 heures par semaine, c'est tout à fait raisonnable pour une pelouse naturelle. La pratique intensive, c'est si on veut avoir d'autres usages de cette pelouse. Mais est-ce que tous les usages, alors qu'ils ne sont plus du rugby, est-ce que tous les usages doivent être concentrés sur cette pelouse? Alors voilà, on rentre dans un autre débat que je ne maîtrise pas, mais que Mona maîtrise certainement mieux que moi, c'est un peu comment on répartit les différentes activités sportives dans les différentes installations qu'on a à Bagnolet, voilà, et qui sont amenées à s'améliorer. Dernier point que je voulais évoquer, dans le Bajomag là, de l'an dernier, le dossier sur... la votation citoyenne, il y avait un point aussi, il y avait un paragraphe qui était intitulé, tout à fait au début, qui était intitulé le collège de demain, où on pouvait lire « De même, la préservation et l'amélioration de la qualité paysagère du site retenu, alors hein, c'était l'un ou l'autre, seront centrales afin notamment de conserver les arbres remarquables et de créer un pôle nature pour développer des projets pédagogiques autour des espaces verts et de la biodiversité. Et il y a effectivement, dans le parc des sports de la briqueterie, un bouquet de 5 arbres remarquables, qui sont des tilleuls de plus de 15 mètres de haut, qui sont parmi les plus vieux arbres de notre ville. Et voilà, malheureusement, le futur terrain de rugby recouvrira leur emplacement actuel. Donc voilà, comment compte-t-on s'y prendre pour les préserver et respecter notre engagement ? Monsieur Lyonnais. Oui, moi j'avais prévu de poser deux questions, mais ce qui vient d'être dit par Jean-Claude les conforte. La première question, parce que c'est une délibération d'abord financière à la base. C'est une bonne nouvelle. Sur la subvention au titre de la délégation de la politique de la ville, et donc évidemment à ce titre-là, on la votera. Mais tout de même, on est quand même dans une situation où, comme le collège, et d'ailleurs c'était le cas aussi au Rigonde, vient prendre place sur des terrains sportifs existants de la ville, Ben, il y a une question de reconstitution qui se pose. On ne va pas réouvrir le débat là, il est réglé, mais il y avait aussi des gens qui disaient que ça pouvait se passer par transformation, extension de travail, où il n'y avait pas ce problème de reconstitution des espaces. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien la décision du département, puisque si j'ai bien compris, c'est le département qui voulait, parce que c'était plus simple, faire du neuf. Donc du coup, comme le foncier manque à Bagnolet, c'était les Rigondes ou la briqueterie. Mais donc, ça veut dire que cet aménagement est bien directement un choix induit de la décision départementale de faire du neuf. Et donc, la situation financière de la ville, ça veut donc dire que la ville se prend, entre guillemets, un coût de réaménagement de ce site, donc de l'ordre de 4 millions d'euros, dans ce que j'ai lu dans les dossiers. Donc, il y a des subventions qui viennent. Au jour d'aujourd'hui, alors peut-être qu'il y aura d'autres bonnes nouvelles, mais au jour d'aujourd'hui, le plan de financement que vous nous affichez laisse quand même une part très importante et majoritaire à la charge de la ville. Donc, je peux souscrire à ce que vous avez dit au début de votre intervention, c'est bien d'avoir des subventions, mais en même temps, on se retrouve quand même dans une situation où la ville paye à la base pour un choix du département, parce que j'entendais parler tout à l'heure de recyclage. Hein. La réutilisation des bâtiments, c'est le premier recyclage. Hein. On sait que la démolition, la construction neuve, ça a un impact environnemental très fort. Donc la ville va bien payer pour une décision qui était d'abord une décision départementale de faire du neuf. Et quand j'entends, et merci de l'information Jean-Claude, parce qu'on n'en bénéficiait pas comme élu d'opposition, que le département commencerait, si j'ai bien compris ce qui était dit, à faire des économies sur le parking, etc. Je pense quand même que, vu le manque de foncier à Bagnolet, on doit nécessairement être collectivement exigeant sur un collège un peu compact et qui ne commence pas à étaler du stationnement en extérieur. Donc voilà, ça c'était un peu mon premier point sur l'aspect financier. Et puis mon deuxième point, mais il a été évoqué assez longuement, c'est effectivement sur l'aspect environnemental. Donc je souscris notamment à ce que vient de dire évidemment Jean-Claude sur toutes les questions d'eau, etc. Et sur la question de la nature du terrain, parce que j'ai entendu des propos un peu longs avec quelques circonvolutions, pour en avoir échangé au sein du groupe d'opposition, on est collectivement assez unanime à considérer que ça va de soi. Moi, j'avoue que d'ailleurs, je n'imaginais même pas que ça puisse être autrement. C'est par d'ailleurs un texte sur le blog de Jean-Claude que j'ai découvert le débat, puisque je pensais quand même que, vu déjà qu'il va y avoir une imperméabilisation non négligeable de ce site, le fait qu'au moins le terrain de sport était naturel, j'avoue que benoîtement, j'avais pensé que ça relevait de l'évidence et qu'il n'y avait même pas de débat. Mais du coup, s'il y a un débat, très clairement, le groupe d'opposition est résolument pour un terrain naturel. Et effectivement, pour la conservation, parce qu'effectivement, il y a très peu d'arbres sur ce site. Et effectivement, il y a là, dans le haut de la rue, ce bouquet d'arbres. Et je trouve qu'il serait quand même invraisemblable que pour des projets porté par la puissance publique, qu'elle soit départementale ou communale, on se retrouve de nouveau avec un abattage de très vieux arbres. Juste avant de donner la parole à Mona, une petite remarque concernant le parc des sports de la briqueterie. Si ma mémoire est bonne, les mêmes qui interviennent aujourd'hui se battaient dans les années 2010-2012, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 10 ans, contre un projet qui visait à vendre le parc des sports de la briqueterie pour la modeste somme de 11 à 12 millions d'euros à un promoteur privé en vue d'y construire un centre commercial. Si ma mémoire est bonne, hein, mais je pense qu'elle l'est, avec un stade sur le toit. Donc on a tous la même mémoire et que à l'époque, c'est la mobilisation des mêmes aujourd'hui, des associations sportives qui a fait que la municipalité de l'époque a renoncé à ce projet de vente du parc des sports de la briqueterie à un promoteur immobilier. Aujourd'hui, on parle de construction d'un collège sur le site et d'un collège public et pas en PPP, parce qu'on m'a accusé aussi, il n'y a pas plus tard que quelques mois, que le département allait construire ce collège en partenariat public-privé, alors que c'est en maîtrise d'ouvrage public, mais ça, c'est une spéciale dédicace, les auteurs de ces phrases se reconnaîtront. Donc, on construit un collège, le département construit un collège, la ville réhabilite un stade qui est aujourd'hui dans un état que vous connaissez. Donc, quoi qu'il arrive, il aurait fallu intervenir sur ce stade. Et croyez-moi, lorsque on a travaillé au cours du précédent mandat avec Olivier Tarabella, avec Hervé Combes, avec le député de l'époque, sur la réhabilitation du parc des sports de la briqueterie, c'était des montants très conséquents parce que la tribune fuit, parce que les salles ne sont plus en état, parce que la pelouse n'est plus en état. Et croyez-moi que c'était un projet assez ambitieux, qu'on avait pour ambition d'être un centre d'entraînement, de préparation pour la lutte, à un moment donné, dans le cadre des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, croyez-moi que c'est une bonne chose que l'État finance la construction d'une salle de lutte et de combat dans le cadre du NPNRU au Malassis. Donc, en fait, quand même, il aurait fallu intervenir sur ce site, on le fait. On va chercher des financements, on travaille avec le département. Effectivement, le département, dans le cadre du plan collège qui a été voté à l'unanimité du conseil départemental, communiste, socialiste, écologiste, insoumis, c'est en fait le vote du plan collège préfigurait la NUPES. Mais dans le cadre du plan collège voté par le conseil départemental, il est prévu la reconstruction du collège travail et non pas sa réhabilitation. Si on avait pu réhabiliter sur site, on l'aurait fait. Et je rappelle également, pour ceux qui ont la mémoire courte, qu'en 2014, lorsque j'ai été élu, les services municipaux m'ont présenté une étude de faisabilité de reconstruction du collège travail sur les sites, sur les espaces verts de Louise Michel à proximité immédiate du lycée NERF. Juste, il y avait une étude de faisabilité très élaborée, très construite, et à un moment donné, on a dit non. C'est vrai que ça a été le début des discussions sur le site de reconstruction du collège. Mais au départ, c'était à Louise Michel, là où on a prévu, dans le cadre de notre PPI, et j'espère que la direction de l'environnement, sous la houlette de Vassindou, pour avancer rapidement, on a prévu l'aménagement d'un jardin public. Et je tiens à rassurer là-dessus Jean-Claude sur l'engagement de Vassindou sur le sujet, ce qui va nous permettre d'avancer concrètement sur ce beau projet. Donc voilà quand même quelques rappels de contexte, parce que en fait ici on a toujours tendance à un peu oublier le passé. Donc projet immobilier privé à la briqueterie en 2010-2012, aujourd'hui collège et réhabilitation du stade de la briqueterie. Voilà, c'est ça la différence. Mona Bellil. Alors effectivement, comme l'a expliqué Monsieur le maire, on saisit les opportunités lorsqu'elles se présentent. Hein. Monsieur le maire l'a très clairement pas évoqué au sujet de la tribune de la briqueterie et du coup de l'ANRU au Manassis. Moi, je vais parler des actes et des usages. Concernant les usages, il n'y a pas que le rugby club de Bagnolet qui utilise le parc des sports de la briqueterie. Il y a surtout et essentiellement les établissements scolaires, peu importe le niveau, donc primaire et secondaire, même les centres de loisirs. Donc ça ne se réduit pas à une pratique de 20 heures de pratique sportive, mais bien au-delà. Donc on optimise, on utilise. Concernant les actes, alors les actes, on est passé aux actes depuis un certain moment. Ça fait un an maintenant que je suis élue au sport. J'ai pu, ces derniers mois, rencontrer les différents acteurs, les différentes associations sportives, utilisatrices de cet équipement. On les a rencontrés de manière individuelle. Moi, personnellement, sauf une, parce que c'était le jour de mon accouchement, donc vous comprendrez aisément que je ne pouvais pas être présente, que néanmoins, j'ai bien eu le compte-rendu et que j'ai pu encore récemment échanger avec l'association en question. Pour retracer l'historique, comme Monsieur le maire l'a expliqué, je vais vous expliquer un peu le programme depuis le mois de janvier. Donc, on rencontre les associations sportives depuis le mois de janvier, trois ou quatre associations sportives. On a rencontré également la partie politique du conseil départemental, donc les vice-présidents, Tout à l'heure, Jean-Claude, tu faisais part des échos que tu avais pu avoir des différentes réunions qui ont pu se tenir, hein, des réunions entre administration et pas entre politique. Hein, jusqu'à preuve du contraire, le choix se fait au niveau politique et pas au niveau administration. Du coup, effectivement, on a rencontré le volet politique du conseil départemental accompagné des services au mois de mars, me semble-t-il. J'ai fait effectuer une visite terrain donc du collège Villard à la Courneuve, qui est un collège qui ressemblerait plus ou moins à ce qu'on pourrait avoir à terme sur la commune. Donc, à la suite de cette visite, effectivement, on a rédigé un rapport d'étonnement, hein, sur ce qu'on a pu constater sur site et surtout la demande de maintien d'offres à l'identique de l'offre sportive. Hein, donc, on s'est engagé et on continue. On a encore récemment pu échanger avec les parents d'élèves du collège Travail, hein, qui sont en concertation directe avec le conseil départemental, hein, puisque jusqu'à preuve du contraire, le collège est de la compétence du département et pas de la ville, que néanmoins, nous, on poursuit à notre niveau les discussions. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, on n'en est encore qu'au stade de l'étude, hein, et que du coup, comme je l'ai expliqué, bien évidemment, comme ce qu'on a pu le faire dans différents dossiers, une fois que les éléments seront rassemblés et actés, on les présentera dans les commissions ad hoc, donc appropriées, bureau municipal, commission. S'agissant du parking, il avait été évoqué effectivement un parking semi-enterré ou semi-enterré, que du coup il y a eu une fluctuation au niveau des plans, que néanmoins cette fluctuation dépendait et du coup était plutôt conditionnée à un retour d'études de sol qu'on n'a toujours pas eu. Et il y a quelques semaines, ils ont commencé à carotter un peu le sol de la briqueterie pour voir la qualité, hein, et savoir s'il était tout à fait techniquement possible d'avoir ce parking enterré. C'était faute de le demander, mais on est encore en attente de cette étude de sol pour savoir s'il est faisable ou non, envisageable ou non d'avoir ce parking semi-enterré. Moi, je ne peux pas vous dire, hein, c'est de la compétence du département et les services techniques de la ville ne sont pas encore en possession de cette étude de sol. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre ? Oui, effectivement, il était question, et j'entends, hein, la nature, je reviens, mais je vous dis toujours que c'est encore à l'étude, sur la nature du terrain. Alors moi, je n'ai pas une conception stalinienne de la décision, je n'impose pas. Tout est sujet, même si ça peut paraître très... pas sujet à concertation, ou être plutôt une évidence, c'est ce qui a été employé comme mot, je suis ouverte à toute discussion, effectivement, il y a toujours des pros et des anti- position quelconque sur n'importe quel sujet. Et donc là, l'idée, c'est de se concerter tous ensemble et ensuite d'avoir une décision collégiale. Donc c'est plutôt ma conception des choses. Après, si vous voulez que j'impose, hein, moi, il n'y a pas de souci, hein, et vous aurez ça les 5 prochaines années, mais bon, c'est pas ma conception des choses. Donc voilà. Juste très rapidement, tout à l'heure, vous avez fait le bilan de l'état dans lequel se trouvait la briqueterie aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous et j'en ai fait le constat depuis bien longtemps déjà. Mais je pense que c'est un problème dont vous portez un peu la responsabilité, où tous les pouvoirs politiques qui sont succédés dans cette ville, on porte un peu leur responsabilité. C'est un défaut d'entretien. On n'a pas investi peut-être suffisamment régulièrement dans cet endroit. On l'a laissé même volontairement, je parle même pas de vous, hein, monsieur le maire, mais... périclité pour peut-être pouvoir le récupérer à d'autres fins. Et en tout cas, voilà, je pense que aujourd'hui, malheureusement, on est en train quelque part, et je m'inclus dans cette présentation, de réparer quelque chose qu'on aurait peut-être pu éviter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'aimerais revenir moi aussi sur le terrain de foot. Je trouve aberrant qu'aujourd'hui on puisse ne serait-ce que se poser cette question. Ça devrait même pas être un sujet. On devrait partir sur un terrain non artificiel, naturel. Ça va dans le sens de l'histoire et ça va dans le sens de ce qu'on appelle l'écologie, ou en tout cas de ce qu'on se doit de faire pour que les choses puissent changer. Et dernier point sur lequel j'aimerais revenir, qui a été abordé rapidement tout à l'heure par Jean-Claude et que j'aimerais aussi, moi, souligner, c'est cette circulation de camions. On peut, comme Jean-Claude l'a aussi souligné tout à l'heure, on peut recycler énormément sur site. On peut diminuer de façon conséquente les conséquences de cette construction et les pollutions qui vont s'en dégager. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse voilà, s'opposer, que le conseil municipal fasse part auprès du département ou auprès du maître d'œuvre de ces différentes volontés, voilà. Comme le parking enterré. Ça me paraît aussi important. J'ai fini. Le réemploi, ça fait partie des sujets qui nous tiennent à cœur dans ce dossier. Madame Félix. Merci. Oui, ce qui me semble important, donc c'est effectivement dans ce choix, il est important que les enseignants du Collège du Travail soient consultés, que les sportifs soient consultés, mais ce qui est aussi très important, c'est que les habitants de Bagnolet soient consultés, parce que pour moi, c'est une question d'aménagement, et donc ce qui concerne l'ensemble des habitants. Donc je souhaiterais que dans cette concertation, les habitants, et en particulier les habitants du quartier du Plateau, soient consultés. C'est ce que je disais en introduction, on n'a pas eu peur de faire une consultation publique pour le choix de l'implantation du collège qui nous a amené à suivre l'avis de la population sur le parc des sports de la Boqueterie. Donc bien sûr, la poursuite du travail engagé par Mona se fera en concertation avec les associations sportives, avec les habitants, avec le conseil de quartier, comme on l'a fait par le passé. Ça n'a pas peur de la concertation. Voilà. Jean-Claude Oliva. Justement, à ce sujet, je vous entends bien et j'entendais aussi également Mona tout à l'heure qui parlait de se concerter tous ensemble. Visiblement, dans cette discussion, on voit dans ce débat, on voit qu'il y a beaucoup d'informations, mais aussi qu'on n'est pas tous au même niveau d'information en tant qu'élu. Mais alors, si on élargit le panel... les associations sportives, la communauté éducative, les citoyens, les habitants du quartier, on n'est vraiment pas tous au même niveau d'information. Donc moi, ce que je me dis, j'entends bien les concertations qui ont été menées et qui vont continuer, mais je trouve que ça serait bien qu'on se mette tous ensemble autour de la même table à un moment donné, voilà, pour qu'on soit un peu à égalité. Et voilà, on n'est pas forcément opposés les uns aux autres. Il y a des choses que disent les associations sportives qu'il faut absolument entendre. On veut développer la pratique sportive. En même temps, on veut changer la ville pour aller dans le sens d'une ville plus vivable pour tous les habitants. Donc voilà, c'est pas des choses qui s'opposent. Et je pense que ça s'opposera encore moins si on arrive à se parler tous ensemble et pas seulement à être en silo, d'un côté les sportifs, de l'autre le conseil de quartier. Voilà, il faut qu'on arrive à tous se parler, le département, la ville. Voilà, essayons de nous réunir et de nous parler tous ensemble. Mais en fait, c'est le cas, c'est ce que fait Mona. En fait, ce qui est assez surprenant dans un des courriers qui m'a été adressé par une association sportive, le collectif des profs, et d'autres associations sportives sont d'ailleurs retirées du texte initial, puisque, en fait, les usagers en question ont les informations, puisque Mona les a rencontrés. En fait, Mona a rencontré les représentants sur place, la principale adjointe du collège avec un professeur de PS, c'était le 17 ou le 19 avril, d'autres professeurs de PS le 21 avril. Elle a rencontré les associations sportives en janvier. Elle leur a adressé un compte-rendu avec les services, un compte-rendu assez exhaustif des discussions qui ont été menées. Donc, en fait, les informations existent. Après, on peut toujours jouer à se faire peur sur « il va y avoir ci, il va y avoir ça ». Mais aujourd'hui, le sujet de débat avec le département, c'est la pratique des activités de gym. C'est ça, le sujet. Et c'est là-dessus que j'ai moi-même interpellé... le président du conseil départemental, son cabinet. Donc le sujet, il est là. Et je pense qu'on peut jouer à se faire peur, mais en fait, ça ne sert pas trop à grand-chose. Après, il y a des sujets. Le chantier, le réemploi, la pelouse, ou le terrain synthétique. Mais tout ça, c'est des sujets qui sont pris en compte, qui vont être arbitrés, et on n'en est pas à ce stade. Mais essayer de faire peur aux gens sur « on n'a pas d'informations, ce qui est faux », et je l'ai démontré, puisque j'ai adressé aux associations qui s'interrogeaient la chronologie de l'ensemble des réunions menées par Mona Bellil. On pourra vous les communiquer. Donc, en fait, on peut jouer à se faire peur, mais il n'y a pas de raison de se faire peur. En fait, là, on est en train de mener un beau projet pour lequel on devrait être tous fiers. Et donc, en fait, il n'y a pas de, il y a pas de polémique à avoir. Il y a des exigences à avoir. Je les ai, nous les avons, mais ne jouons pas à nous faire peur. Aujourd'hui, il y a un site qui est défini, il y a un projet à mener, il y a un budget. Je veux dire, à un moment donné, lorsque je reçois un courrier de la coprésidence de la LGB qui me dit, mais quel est le budget que vous avez décidé d'affecter? Je lui dis, je ne sais pas, c'est dans le cadre du budget de la ville. On en a débattu en séance publique du conseil municipal à l'occasion du PPI. En fait, il n'y a rien de secret. Les 4,7 millions, ils figurent au PPI. Si aujourd'hui, on a une subvention d'1,5 million d'euros dans le cadre de la DPV, c'est qu'il y a quand même un travail un peu sérieux qui a été mené. Donc, soyons exigeants, soyons rigoureux, mais évitons de nous faire peur entre nous ou d'inventer de faux débats. C'est les options proposées qui peuvent faire peur, monsieur le maire. Hein? C'est les options proposées qui peuvent faire peur. C'est synthétique ou naturel, on coupe les arbres. Ça vous fait peur. Moi, en fait, ce que vous a dit Monin, c'est que on ne peut pas réclamer de la concertation. On ne peut pas demander à ce que la population soit associée. On ne peut pas demander à ce que les associations soient associées et leur dire directement, en fait, on va faire une pelouse. Parce qu'on sait très bien que le club de rugby auquel nous sommes tous attachés, hein, j'ai croisé M. Jamel l'année dernière au barbecue du club de rugby, on est tous attachés à la pratique du rugby, mais on sait aujourd'hui que le club de rugby, pour plein de raisons que Mona a évoquées, est plutôt favorable à un terrain synthétique. Donc il faut aussi entendre, et je n'enverrai pas le club de rugby pratiquer au parc de Romainville. Voilà, je suis attaché à ce que la pratique du rugby se poursuive dans notre ville. Donc voilà, donc il faut entendre ça, et après on arbitrera de manière intelligente. Et si on décide d'avoir une pelouse, eh ben, il y aura une pelouse, et le club de rugby se contentera entre guillemets d'une pelouse, et on fera avec une pelouse, même s'il préfère un terrain synthétique. Mais à un moment donné, il faut poser tous les éléments sur le tapis, et si on concerte, on concerte. Et là, on en est au stade de la concertation et on n'a pas arbitré. Voilà. Personnellement, je préférais jouer sur des pelouses lorsque j'étais plus jeune. Le terrain synthétique, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on vous explique par A plus B qu'un terrain synthétique, c'est plus utile, je pense qu'il faut aussi entendre parce qu'ils vont pratiquer. Et en même temps, effectivement, c'est un poumon vert, la briqueterie. Donc, il faut aussi prendre en compte le fait que c'est un poumon vert et qu'aujourd'hui, il y a des pratiques qui doivent prendre en compte davantage l'écologie. Voilà. Et donc, le travail va se mener et Mona entend le mener de manière sérieuse et rigoureuse. Et on pourra informer régulièrement les élus de l'évolution du projet, c'est pas une difficulté. Est-ce qu'il y a encore des observations sur ce dossier? Oui, j'avais demandé la parole. Pardon, Monsieur Vionnet et John Di Biro. Du coup, très brièvement, mais vous semblez dire, il y a beaucoup d'informations de concertation, les modestes élus d'opposition que nous sommes avons appris beaucoup de choses ce soir, et il y a beaucoup d'informations que nous n'avions pas antérieurement. Vous avez, je crois qu'on n'a absolument ni polémiqué, ni évoqué des peurs. C'est vous. Un courrier Mona également, où en gros, des gens s'inquiètent de savoir combien on a prévu au budget, qu'est-ce qu'on va refaire. Il faut se mobiliser pour maintenir l'ensemble des activités sportive, mais si vous voulez, lorsque je suis allé au foulé du 8 mai, le 8 mai, on ne m'a pas posé de questions, parce qu'en fait, le sujet n'existe pas. On va maintenir toute l'offre sportive qui existe aujourd'hui. Pardon. Mais du coup, c'est vous qui avez souhaité faire comme vous aimez bien le faire, un rappel à l'histoire et au passé, qu'effectivement on connaît, mais je pense qu'autour de cette table, personne, à ma connaissance, n'a porté, soutenu un projet de centre commercial. Non. Je crois que personne ne l'a. Salement souri. Ouais, non mais. Souris, mais j'ai rien dit. Non mais ce projet n'est jamais arrivé au stade du conseil municipal. Et il y a une bonne raison pour laquelle il n'est jamais arrivé, c'est qu'effectivement les élus de l'époque majoritairement, et Brahim Macour qui doit être là, je ne sais pas où il est, pourra y compris confirmer que, à part un seul, dans ce, qui était à votre place à l'époque, personne ne soutenait ce projet. Bah, j'ai pas dit le contraire, ni, mais vous aura, ni l'administration d'ailleurs, ni une partie de l'administration. Il vous aura pas échappé. En tout cas, pas Pierre Vionnet. Il vous aura pas échappé. J'étais plus là. Donc ne risquez pas. Pas de raison. Je n'étais plus vous là. Aura, il, non, je ne parle pas de Pierre Vionnet. Il vous aura pas échappé quand même qu'il y a une forte mobilisation de la population à l'époque des associations sportives. Il vous aura pas. Vous avez souvenir comme moi qu'il y a une manifestation au parc des sports de la Briqueterie où il y avait 100 ou 150 usagers. Et il vous aura pas échappé qu'il y avait des membres de l'administration municipale à l'époque, non pas Monsieur Vionnet, mais d'autres, qui étaient présents pour défendre ce projet. Bien sûr. Voilà. Et lorsque j'ai été élu, j'avais une belle étude de faisabilité sur mon bureau, aussi comme pour le collège travail à Louise Michel, avec un prix estimé entre 11 et 12 millions d'euros. Bah, l'étude existait, ça c'était effectif, mais ceci dit, encore une fois, personne n'a porté ce projet. D'accord, mais il y a quand même une forte mobilisation qui a fait que... Bien sûr, et heureusement d'ailleurs, c'était très bien. Et il y a des gens qui ont défendu, gens qui ont défendu ce projet autour des associations sportives pour dire que ce serait bien de vendre un promoteur. Et je n'ai pas dit que c'était vous, Monsieur Vionnet. Et dernière chose, j'ai bien entendu qu'il y avait un souhait de concertation, mais c'est vrai que ce qu'on a aussi envie d'entendre sur le sujet, et je pense que je ne suis pas le seul et pas que sur les rangs de l'opposition, c'est effectivement votre cahier des charges, votre orientation sur les questions environnementales. Parce qu'on a parlé de la pelouse, on a parlé des arbres, on a parlé de la récupération de l'eau, et je pense que là, même si le département est évidemment compétent et maître d'ouvrage du collège, l'impulsion de la ville en la matière est fondamentale. C'est clair, c'est clair. Jonji. Merci. Bon, j'ai une question pour Mona. Parce que tu as dit que tu as visité le collège à Courdeuf. Donc, doit-on comprendre qu'en fait, le département, il va construire un éco-collège, donc à Bagnolet. La réplique. Un éco-collège, non. Éco-collège, en fait, c'était un projet qui était... Comme ce collège, ça fait très longtemps qu'il est en train de se concerter pour le construire, effectivement. Depuis, ils ont sorti un plan, c'est multi-annuel, je crois. Et c'est des éco-collèges qui sont proposés, mais que sur 8 sites. Bon, après les autres, il y a d'autres travaux. Donc, si tu as visité la Courneuve, c'est dans la liste, pas celui de Bagnolet. Alors, celui que j'ai visité à la Courneuve, c'était, on nous avait invités à venir visiter pour mieux se projeter. Néanmoins, ce n'est pas le collège qu'on aura sur site à Bagnolet. Et c'est un collège qui répondait au cahier des charges d'un certain plan pluriannuel. Par exemple, on nous a fait part d'une cour oasis pour le nouveau collège. Ce n'est pas ce que j'ai retrouvé à Villars, au collège Villars à la Courneuve. Donc, c'est vraiment, on s'y rapprochera le plus, mais avec les dernières normes. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, les normes, en fait, c'est une chose. Éco-collège, c'était un budget séparé, spécial. Bon. On est vraiment dans les premières, dans les fondations du projet. Hein. On n'est pas au niveau de la toiture. Là, on est vraiment dans les fondations du projet. Donc, du coup, c'est des choses qui se co-construisent et des questions pertinentes que je poserai ou avec une fois que l'administration du collège, du département nous aura fourni les derniers plans ou leurs dernières projections, on pourra se caler et je pourrai en communiquer les grands tenants. Mais D'accord, merci. Ce sera bien qu'il soit inclus dans ce liste de éco-collège, si on peut. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Est approuvé? Je vous remercie. Délibération suivante. Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec l'association Sort de Terre. Et on abordera également le protocole d'accord tripartite entre la ville et l'OPH et l'association. Donc, chers collègues, je me contenterai de quelques mots avant d'ouvrir le débat sur ces deux délibérations. Quelques mots parce que j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer en réponse à la question posée tout à l'heure lors de la suspension de séance. Je ne vous dirai pas que cette convention et ce protocole tripartite font la joie de l'ensemble des acteurs concernés. Ce serait mentir. On est dans un compromis qui nous permet d'avancer. Chacun ici sait que l'association Sort de Terre ne souhaitait pas déménager. Chacun ici sait aussi que l'issue est inéluctable. Comme je l'ai dit, les travaux débuteront en juillet Il s'agira pour commencer de la démolition des anciens logements de fonction ainsi que celle de deux classes et le désamiantage qui l'accompagneront. Je veux ici remercier sincèrement l'association Sort de Terre, les remercier pour l'esprit de responsabilité dont ils ont fait preuve. L'accord que nous vous proposons aujourd'hui de valider vient entériner une période transitoire pendant les travaux et vient également préciser la réimplantation de la bergerie au plus proche de la future école. Les échanges ont été nombreux, ils vont se poursuivre avec Sort de Terre. Ils sont parfois tendus, ne nous en cachons pas, parfois détendus, il faut aussi le reconnaître, mais toujours dans une logique de construire ensemble la base d'un accord commun. Voilà, c'est ce que je souhaitais dire à propos de ces deux notices. Monsieur Vionnet. Oui, on a déjà eu l'occasion à de nombreuses reprises en conseil municipal d'échanger sur cette affaire. Donc vous vous doutez bien que notre position n'a pas changé au sens où nous considérons que si Bagnolet a bien besoin d'écoles nouvelles, ce projet-là est un mauvais projet d'école et qu'on a quand même l'impression très désagréable, et d'ailleurs c'est pas nous qui l'avions exprimé, c'était deux jeunes filles dans une des réunions publiques de l'an dernier sur le sujet qui avaient dit on a le sentiment que les enfants sont instrumentalisés pour détruire la bergerie. Et je pense qu'effectivement là, ce qu'on détruit là, et on a déjà eu l'occasion, donc je suis relativement bref, de le dire de nombreuses fois, c'est un trésor environnemental, puisqu'effectivement, il y a des bêtes, il y a des arbres qui ont poussé depuis 10 ans, il y a tout un écosystème qui va être totalement détruit. Mais c'est aussi un trésor social, parce que quand même dans une ville, où, comme d'ailleurs dans toute la France, l'enjeu de faire dialoguer, de faire vivre ensemble toutes les populations n'est pas un enjeu facile. Moi, à chaque fois que je vais à la bergerie, et depuis plus de 10 ans, j'y vais quand même énormément, je suis toujours frappé par le mélange des populations, des habitants du quartier, d'autres qu'on appelle les bobos, mais en tout cas, c'est un lieu où toutes les populations se croisent et vivent bien ensemble. Et là, moi, donc, vous, pour la deuxième fois, vous nous proposez en conseil municipal des conventions qui, à ce jour, ne sont pas signées par l'association. Donc on a le sentiment que vous êtes quand même toujours, même si je sais qu'il y a des discussions, on est toujours dans une logique quand même de passage en force et de pression sur l'association pour la faire déménager. Et effectivement, encore ces derniers jours, le berger Gilles Amar me disait à quel point il est malade, selon ses propres mots, de cette situation. Et moi, j'avoue que quand j'ai découvert le site de relocalisation, puisque, sauf à ce que j'ai perdu un épisode, dans des discussions précédentes, il y avait plusieurs sites, moi, je suis quand même un peu stupéfait du site de localisation, puisqu'on est sur un foncier qui est quand même assez étroit entre la rue et les bâtiments. Et du coup, nous sommes malheureusement convaincus depuis le début que ce projet signe la mort à terme de la bergerie et de l'activité associative. Mais là, moi, quand j'ai découvert le projet, c'est pas la mort à terme, c'est la mort immédiate. Puisque comme sur ce site, les activités ne peuvent pas être reconstituées, je crois qu'aujourd'hui, Gilles Amar a à peu près une quarantaine de bêtes dans son troupeau. Il ne pourra en conserver que 8, si j'ai bien compris. Donc ça veut dire qu'il doit vendre ou donner l'essentiel du troupeau. Donc on voit bien que le projet perd une grande partie de son sens, puisqu'il en parlerait mieux que moi, mais je pense que l'intention depuis le début, c'est pas de faire une ferme pédagogique, c'est pas juste d'amuser les gosses avec 3 bêtes. C'était bien d'avoir un vrai élément d'agriculture urbaine intégré à un quartier, et du coup avec une échelle significative. Et puis, vous l'avez dit vous-même, monsieur Di Martino, quand on en a échangé en conférence des présidents, on est de surcroît sur un site où les habitants ne voient quand même pas d'un bon œil cette arrivée. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou tort, mais en tout cas, le ressenti, si j'ai bien compris, de la réunion que vous avez tenue, parce que j'avais eu des échos de même nature, c'est une inquiétude des habitants, parce que c'est quand même très près des fenêtres, sur les bruits, les odeurs, etc. Et du coup, moi, je trouve qu'on est dans un système extrêmement piégeux. On est aujourd'hui dans une bergerie, il y a pu avoir, d'ailleurs, d'aucuns avaient bien cherché à pousser à cela, il y a pu avoir, à certains moments, deux, trois grincheux qui n'étaient pas contents de l'activité de l'association. Mais très majoritairement, on le voit par la présence des habitants riverains, y compris sur le site même, aujourd'hui où elle est profondément adoptée, soutenue, appropriée, défendue, comme l'a montré l'intervention de début de séance, par les habitants du quartier, y compris les riverains immédiats. Et là, on va se trouver à le transférer dans un lieu où on sait déjà au départ que des habitants, alors c'est vrai que c'est un lieu en plus où il y a des projets de démolition, donc ça je peux imaginer que les habitants se disent il y a toujours des trucs qui nous tombent dessus à cet endroit-là, ne l'accueillent pas avec joie. Et donc là où on a un lieu de concorde, on met en place les conditions pour du conflit. Donc nous, pour toutes ces raisons-là, nous voterons très clairement contre ces délibérations. Et nous vous appelons de nouveau, parce que malheureusement, on l'a déjà fait un nombre de fois important, nous vous appelons de nouveau à reconsidérer ce projet, à regarder sérieusement les propositions alternatives de ferme école qui ont pu être faites, et à arrêter la destruction de ce lieu très riche pour notre ville. D'abord, juste une précision, les sites ont été identifiés d'un commun accord avec l'association. Les sites pour la période transitoire ont été identifiés d'un commun accord avec l'association. Et il y a plusieurs sites qui permettront d'accueillir les activités. Il y a celui dont vous parliez à l'instant, il y a celui de la rue Pierre et Marie Curie derrière la résidence Girardot. Il y a un site sur... au château Josette et Maurice Audin. Il y a plusieurs sites qui ont été identifiés. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Anne Gerval. Oui, bonsoir. Beaucoup d'étapes ont eu lieu depuis le début de cette affaire. Des accords ont été pris en concertation. Et pour autant, je souhaite souligner la chance dans l'avancée de ce projet dont le coût n'est pas neutre. D'un espace mis à disposition sans loyer, sans frais d'électricité, sans eau, sans impôt d'occupation du terrain, pendant des années, obtenant même une, voire plusieurs subventions, eh bien la situation proposée aujourd'hui est excellente. Plus d'un habitant ou plus d'une association rêverait de cela. Dans ce rapport, on se rend compte que pour cette première étape, la dépense sera d'environ 300 000 euros. C'est une estimation, et je me méfie des estimations. Souvenons-nous des estimations pour cet hôtel de ville. Il est également envisagé un bail à construction. La condition pour l'association, c'est d'avoir, dans les 12 mois, à communiquer toute information de nature à permettre l'élaboration d'une convention qui pourrait prendre juridiquement la forme d'un bail à construction. Quelle association aujourd'hui bénéficie de ce mode de bail? Sachant que ce bail est un minima de 18 ans, qu'un loyer serait à envisager, que la construction est normalement à la charge de l'association, ainsi que l'entretien, qu'elle peut hypothéquer et ou céder le bâti à d'autres personnes, même si le foncier et le bâti reviennent à la collectivité. Cette situation est inespérée et on ne peut refuser une telle offre. Donc 300 000 euros, dont 27% sont d'ores et déjà mis à disposition, soit 83 000 euros pour pérenniser les activités de l'association sur la commune. 63 000 pour contribuer au déménagement. Une étude dans le cadre de demandes d'urbanisme. Pourtant, nous avons eu des plans, des propositions pour l'aménagement de l'école faits par l'association et je ne pense pas que nous y avons participé. Des matériels et des outils pour la réalisation du projet, outillage, location, achat de matériel de transport, plantation, montage de nouveaux bâtiments. Dans ce genre de bail, n'est-ce pas le preneur qui finance ? Ou bien est-ce en dehors du bail seulement, pour le temporaire, je ne sais pas. 20 000 euros pour le démontage, transport de cabanes, caravanes, déplacement de plantes, replantation, foin de remplacement de temps de pâturage. La ville avait-elle également payé lors de la première installation à l'origine? Cette subvention de fonctionnement, même si elle est exceptionnelle, ne devrait pas être sans justificatif. L'utilisation de l'argent public doit pouvoir être justifiée. 20 000 euros, subvention annuelle pour la continuité des activités. Même remarque pour le point précédent sur l'utilisation de l'argent public sans justification. Comme les autres associations, j'aurais aimé, avant toute décision, avoir un récapitulatif des activités de l'association vers la commune, à minima, sur les années 2018-2019, ce qui me semble légitime, sachant le montant de l'estimation. Puis, pour l'année 2022, la subvention de fonctionnement s'établira à 20 000 euros et augmentera dans la limite de 10 000 euros d'ici 2024. Pour quelles raisons cette augmentation, une remise à niveau, par rapport à quoi? Quelle justification? Enfin, je m'interroge, dans plusieurs paragraphes est indiqué réinstallation définitive. Réinstallation sans définitive est tout aussi bien. Sinon, comment faire avec les autres associations? Est-ce également le cas? Ou faut-il l'envisager? Dans le protocole d'accord tripartite, il est expliqué des droits, des devoirs, et ce qui est dû financièrement et au niveau des activités. C'est bien, mais pourquoi la mise à disposition des terrains et locaux mentionnés au titre 1 s'effectuera à titre gratuit? Existe-t-il des cas similaires dans le parc de l'OPH? Si c'est bien le cas, il n'y a pas de problème. La convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens qui propose généreusement beaucoup d'argent. Les détails, tels que ceux que l'on retrouve dans le protocole d'accord tripartite, ne se retrouvent pas. Ces détails, état des lieux, entrant, sortant, termes d'entretien, d'exploitation du lieu, conditions de fourniture d'eau, d'électricité, les assurances, sont bien à prévoir dans la convention entre l'association et la ville. Elle peut être une base et constituer le début de la nouvelle convention qui doit être établie dans les 18 mois, mais à partir de quelle date, je ne sais pas, sans doute le 1er juillet. En termes d'activité, dans les descriptions des activités, la nature en ville, pédagogie, atelier ouvert, tout ce qui a rapport avec l'activité d'une bergerie, ce qui est très bien. Alors pourquoi inclure des concerts qui ne sont ni une activité ni un lieu dédié? Cette activité est à sortir du périmètre, à mon sens. Un accord est à demander lors de la prévision de ces événements. Car il est certain que ces événements ne respectent pas les règles de vie, de savoir-vivre, ni de réglementation sur le bruit. Le retour des habitants a confirmé cet état. Toujours dans la description des manifestations dites étrangères aux activités sont inscrites. Quelle est la nature de ces manifestations? Sont-elles en lien avec l'activité de la bergerie? Comme pour les concerts, cette activité est à sortir du périmètre. Un accord est à demander lors de la prévision de ces événements. Donc ce n'est pas une interdiction en soi. La ville doit rester garante du cadre de vie et de la tranquillité des riverains et habitants. Enfin, j'aurais aimé que soient rappelées les pénalités qui ont été réglées, s'il y en a, du fait du retard du chantier. Ces sommes sont à ajouter aux sommes présentes, 300 000 euros, et à celles qui vont venir. Cet investissement est-il raisonnable? Ce n'est certainement pas le bon moment, surtout lorsqu'aux portes de la ville, des activités similaires sont proposées. Je vous remercie. Alors, quelques éléments de réponse, puisque il a dû échapper quelques éléments à notre collègue. Les pénalités de retard font bien entendu partie de ce que j'évoquais tout à l'heure sur le montant global aujourd'hui de ce que nous intégrons. On est aujourd'hui sur un projet de l'ordre de 14-15 millions d'euros. Donc les pénalités de retard font partie du budget. Les travaux, une précision, ne démarreront pas le 1er juillet. Ils démarrent à partir du 11 juillet avec un mode progressif, on va dire. C'est ce qui est des éléments que nous avons communiqués à l'association. Une précision, l'OPH conventionne également directement avec l'association concernant la mise à disposition d'un local de stockage de matériel sous la dalle Torres. Pour ceux qui le connaissent, c'est l'ancien local dit des opticiens. Et l'OPH va conventionner avec l'association justement sur l'utilisation des sites et également sur la mise en œuvre de conventions de prestations pour l'entretien des différents espaces verts qui va être confié à l'association Sort de Terre. Mais effectivement, c'est un effort important qui est consenti par la ville et c'est un effort qui correspond à la fois à l'intérêt que la ville porte au maintien de l'association sur le site et pour ceux également qui ont de la mémoire. Je rappelle que dans le cadre du PRU 1, voté à l'unanimité du conseil municipal en 2008 et signé par mon prédécesseur en 2009, dans les maquettes financières, nous avions une somme de 360 000 euros pour la reconstruction du site en maîtrise d'ouvrage direct par la ville. Et en fait, c'est à un moment donné cette somme qui a été fléchée sur le projet. C'était notamment le sens de la délibération que nous avions adoptée en 2018. C'est qu'à un moment donné, l'association a dit, écoutez, vous avez fléché une somme pour porter, vous, le projet. Laissez-nous porter le projet et, en gros, affecter la somme que vous aviez prévue dans le cadre du PRU et on avance de la sorte. Donc voilà, si vous voulez, ces sommes ne sortent pas de nulle part et bien entendu, les remboursements se feront sur facture. Ça fait partie des choses classiques en la matière avec, oui, c'est vrai, avec une montée progressive, une augmentation progressive de la subvention de fonctionnement qui est versée à l'association Sœurs de Terre. Je rappelle qu'au budget de cette année, l'association n'a pas sollicité de subvention, donc il y aura une montée progressive. Elle était de 12 000 euros les autres années. Et donc, il y aura une montée en puissance progressive de la subvention versée en fonctionnement à l'association Sœurs de Terre. Je pense que c'était utile de le rappeler et de le préciser. Est-ce qu'il y a d'autres... Monsieur Stalens. Je voulais répondre essentiellement à Madame Jarval, mais elle n'a pas pris le temps d'écouter les réponses qui peuvent être les nôtres. Donc, elle juge peut-être pas que ça a beaucoup d'intérêt. Mais on en est là aujourd'hui. Je tenais à lui rappeler quand même parce qu'on a demandé à Gilles d'évacuer les lieux. Aujourd'hui, on en est arrivé à cet investissement de la ville parce qu'il a une réelle reconnaissance. Il est réellement reconnu dans son quartier comme d'intérêt public et de nécessité. Aujourd'hui, vous le disiez vous-même à l'instant, vous vous accordez de l'importance à conserver le projet en place. Donc si on dépense tout cet argent, Madame Jarval devrait le comprendre, c'est pour le bien commun, c'est pour les bagnoletais. C'est pas pour faire plaisir à Gilles Amard ou au Berger ou à l'association Sœurs de Terre. On n'en est pas là du tout. Maintenant, dernier point, ça fait quand même une bonne décennie qu'on s'acharne sur Gilles, sur ce site et sur son ambition. Ça fait 10 ans qu'il se bat au quotidien, qu'il se bat pour préserver ce qu'il a mis en place, pas pour lui, bien évidemment. Je pense qu'il l'aurait abandonné depuis très longtemps si sa seule motivation était personnelle. C'est réellement un projet qui est porté. C'est réellement d'intérêt public. Aujourd'hui, on le rappellera à Mme Jarval quand elle sera de retour, tout cet argent dépensé ou envisagé, 300 000 euros qu'elle trouve énorme, pour déménager une bergerie, pour la démonter, puisque ses frais de démontage sont à sa charge, la réinstallation d'une bergerie provisoire et la réintégration ensuite de la bergerie sur site. 300 000 euros, c'est pas dément et c'est certainement pas suffisant. Voilà. Donc, j'aurais aimé qu'on parle moins d'argent et qu'on parle plus de sens et de profondeur quand on parle de la bergerie et qu'on accorde de l'attention et de l'intérêt à ce qui est proposé plus qu'au financement de ce projet. Voilà. Et j'espère maintenant que Gilles pourra se réinstaller provisoirement de la meilleure des façons. On y veillera et on essaiera d'être attentif à ce que ces animaux et à ce que le but soit conservé. Je vous remercie. Mais croyez-moi que j'ai consacré beaucoup de temps, et je consacre beaucoup de temps à discuter, à concerter, à rencontrer l'association et Gilles Amard. Voilà. Et je continuerai autant que nécessaire. Un dernier point. Là, je reviens à l'argent, malheureusement, mais comment se fait-il qu'on ait déjà crédité le Sœurs de Terre, sur l'association, de cette somme? Apparemment, les comptes de Sœurs de Terre, avant la signature de ces conventions, ont été crédités. En janvier, oui. Donc on a émis un titre de recette pour annuler. Ouais. Et je pense qu'il a demandé aussi à tout rendre à l'argent. Oui, c'est vrai. Ouais. Je confirme. Absolument. Ouais. Donc pourquoi il a Jean-Claude et pour... M. Oui, c'est vrai. Non. Mais c'est lui-même qui nous a signalé qu'il avait été crédité en janvier. Jean-Claude et M. Vionnet. Oui. C'est la troisième fois que nous votons dans ce conseil municipal une convention avec l'association Sœurs de Terre. J'espère sincèrement que cette fois, c'est la bonne. Je voudrais rappeler, parce que quand je ne suis pas tout à fait d'accord quand j'entends Sébastien Stalens parler d'acharnement contre cette association et contre le projet de la bergerie, je voudrais rappeler que cette association bénéficie depuis des années d'un soutien constant et important de la municipalité, qui a la volonté de pérenniser son activité. Depuis 2016, voilà, ça fait 6 ans, Sort de Terre bénéficie d'une subvention annuelle de 12 000 euros, ce qui représente environ les 2/3. Alors on peut se dire comme ça, c'est pas beaucoup, mais aussi il faut ramener les choses à nous, à notre réalité de Bagnolet. Ça représente les 2/3 des subventions attribuées aux associations dans le domaine de l'environnement, dans notre ville. Tout secteur confondu, elle est dans le top 20 des associations les mieux dotées de notre ville. En plus de cette subvention de fonctionnement, Sort de Terre perçoit également des sommes significatives pour des prestations effectuées. Tout cela montre l'effort considérable réalisé en faveur de la bergerie depuis des années et qui va se poursuivre avec la convention qu'on vote ce soir. Je voudrais revenir aussi sur les enjeux écologiques autour de la reconstruction de l'école Pêche d'Or et de la bergerie. Ce projet, contrairement à la tendance générale, ne réduit pas la pleine terre. La surface actuelle, enfin la surface totale du site, est de 5560 m². Actuellement, donc avant les travaux, 2300 m² sont artificialisés, soit 41%, ce qui veut dire qu'il y a 59% de pleine terre. À la réalisation du projet, l'emprise au sol sera réduite à 1950 m², soit 35% de surface artificialisée, soit, dans l'autre sens, 65% de pleine terre. Donc voilà, avec ce projet, on va augmenter la pleine terre, ce qui va tout à fait dans le bon sens et ce qui n'est pas si courant que ça dans les projets qui sont menés, je ne parle pas de Bagnolet, hein, mais je parle de partout. En plus de cette pleine terre qui augmente, donc ça, ce qui va dans le bon sens, la toiture est végétalisée. Bien sûr, ça n'équivaut pas à de la pleine terre, hein, mais c'est comparé aux autres toitures habituelles. Il n'y a pas une seule toiture végétalisée aujourd'hui dans un bâtiment scolaire de Bagnolet. Cela apporte des avantages climatiques indéniables sur l'absorption de l'eau, sur l'isolation du bâtiment. C'est incontestablement un plus. Concernant les arbres, nous les défendons partout et pas seulement la Pêche d'Or. Vous l'avez vu tout à l'heure avec mon intervention sur la briqueterie. Et donc, je crois que la cause des arbres mérite mieux qu'une défense à géométrie variable. La reconstruction de l'école Pêche d'Or conduira à des abattages limités au strict minimum et compensés sur la parcelle même. Ce n'est pas 50 arbres qui vont être abattus comme certains veulent nous le faire croire. C'est moins de la moitié, comme chacun peut le vérifier, comme je vous invite à le vérifier en regardant la présentation qui avait été faite le 28 avril 2021 et qui est toujours en ligne sur le site web de la ville. J'ajoute qu'il y a dans le projet un espace vert de 1000 m² ouvert au public qui pourrait accueillir des arbres fruitiers supplémentaires, qui pourrait accueillir en plus un verger. Si la bergerie, qui est à présent chargée de la définition de ce projet, le veut bien. Monsieur Lyonnais. Oui, moi j'avais une question très factuelle. Parce que je pense que là où nous divergeons depuis longtemps sur ce sujet-là, c'est que nous essayons de dire depuis longtemps que cette association, cette activité, cette bergerie est une richesse pour la ville et qu'il faut l'encourager plutôt que la déménager. Mais Madame Gerval, sauf erreur de ma part, est votre adjointe. Et une des situations quand même un peu compliquées dans les rapports depuis un certain nombre d'années de l'association et de la ville, c'est qu'il y a quand même un relatif manque de confiance et que les relations sont un peu compliquées. Quand j'entends votre adjointe à ce point-là énoncer tout un tas de propos potentiellement menaçants sur les vérifications de factures, les choses-là, je me dis, mais du coup, je m'interroge. Je me dis, mais c'est encore pire que je pensais. Il y a en plus un espèce de piège financier et comptable sur le contrôle de tous ces éléments. Donc, j'aimerais que... Plus doute soit levé. Il n'y a pas de piège, mais il y a des points de vue différents. Effectivement, il y a des points de vue minoritaires différents au sein de la municipalité. Voilà. Anne en a un, c'est son droit. Elle le partage. J'en ai un autre. Et je pense que ça n'a pas échappé à Gilles Amar non plus. Puisqu'il est, il est visiblement bien plus au fait que vous des discussions, des avis des uns et des autres, puisqu'il m'en parle régulièrement, donc, sans que j'ai abordé le sujet. Bah, je vous dis. Est-ce qu'il y a d'autres observations, Madame Desportes? Ouais, moi, je suis mal à l'aise avec un truc qui vient d'être dit, je ne sais plus par qui d'ailleurs. Il n'y a pas de volonté de pérenniser l'activité de la bergerie. C'est, ou alors, je ne sais pas comment vous y prenez, mais enfin, c'est quand même... c'est, je ne sais pas, je m'interroge, je pense qu'on s'interroge. Si vous avez, alors, pérennisé l'activité de cette bergerie en la collant dans un bout de parcelle totalement inadapté, en réduisant le cheptel de 80% pendant 3 à 4 années, disons 3 ans si tout va bien. Alors, période période, ouais, d'accord, rendez-vous, bon. Mais même 2 ans, c'est trop. Même 2 ans, que période transitoire, dans l'esprit des uns et des autres, allez, c'est 6 mois, il va tenir 6 mois. On lui demande de tenir 2 ans. On sait ce que sont les chantiers, ce ne sera pas 2 ans. On a l'habitude des retards de chantier, enfin, si c'est dans 2 ans, c'est très bien. Vous croyez vraiment pertinemment qu'il va tenir 2 ans comme ça? Et alors, quand on parle de, pudiquement de déconstruction, de démontage, mais c'est une déconstruction. On va la raser, démolition. Sa bergerie, le 11 juillet. C'est une démolition. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on va retenir? Alors, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, parce que tous les médias ont braqué leurs projecteurs et sont venus faire... Il y a eu des papiers, il y a eu des relais dans les médias nationaux. Donc, évidemment, on ne peut pas dire à Bagnolet, on rase gratis, bien sûr. Mais enfin, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune désir réel de pérenniser. Et quand j'entends effectivement... on dénue quand on entend votre adjointe parler de nuisances, de concerts non autorisés. Bon, on ne comprend pas. De toute façon, elle n'est pas là, elle est partie. Elle n'a pas pris les réponses. Et les réponses, manifestement, et le dialogue ne l'intéresse pas. En fait, pour conclure, qu'est-ce qu'on fait à Bagnolet? On se sert des lieux intermédiaires, comme des réserves de foncier dans lesquelles on va piocher au gré des besoins, comme des variables d'ajustement. On fait ici comme on fait malheureusement depuis trop souvent. Et alors l'ambition écologique, l'écologie populaire, pardonnez-moi, mais enfin là, elle a pris un coup dans l'aigle. J'espère que ce n'est pas l'épilogue malheureux d'un feuilleton qui dure depuis trop longtemps. Enfin, on ne peut pas dire qu'on veut préserver ce lieu absolument fabuleux à Bagnolet, c'est faux. Écoutez, non seulement on veut le préserver, et on va le préserver, mais gardez vos leçons de morale, Madame Desportes-Silly, pour vos collègues et amis politiques qui, dans les Hauts-de-Seine, rasent une bergerie, une ferme urbaine. Voilà. Donc, je ne vais pas citer le nom de la ville, hein, il suffit d'aller sur Google, hein. C'est à Nanterre, vous voyez. Donc, et vous êtes cité comme le deuxième raseur. Non. Donc, Daniel Bourrier a cité Bagnolet-Nanterre. Même combat, même échec. Je vous ai laissé parler. Donc, gardez vos leçons de morale. Gardez vos leçons de morale et allez expliquer à ceux qui rasent, qu'il ne faut pas raser. Mais vous allez raser. Non, mais allez expliquer à vos amis politiques ce que il devrait faire, en fait. Voyez, moi, je ne le fais pas. Anne de Rugy. Oui, je voudrais intervenir sur 3 points. Le premier, c'est le passé. Tout à l'heure, on est remonté à 2009. Moi, je voudrais remonter à 2018, où, effectivement, le projet a été présenté. Moi, j'étais pas élue. J'étais habitante des Malassis. Je n'ai pas vu d'opposition dans la salle. Il y avait des gens qui étaient et qui sont aujourd'hui élus. Il y a des gens qui ne l'étaient pas, mais qui pensaient avoir un rôle politique sur Bagnolet. Je n'ai vu personne. Et effectivement, l'option qui était choisie, c'était le déménagement de la bergerie dans un autre lieu, la construction de cette école. Il y avait également 2 immeubles de 7 étages qui sont oubliés, parce qu'effectivement, nous avons négocié pour que ce projet... de 2 immeubles de 7 étages, qui est antérieur encore, soit abandonné, ce qui coûte à la ville de l'argent, mais ça vaut le coup parce que effectivement, on aura ensuite un terrain en pleine terre très important et qui pourra être occupé par la bergerie. Ensuite, la deuxième chose, c'est que oui, il y a eu un changement, il y a eu un changement d'avis, bon, ça peut arriver, mais ça complique. Donc, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Et ce que nous souhaitons, c'est que la bergerie reste. Donc, nous avons un souci pour cette bergerie et nous souhaitons qu'elle reste. Et je pense que s'il y a tout cet accompagnement, c'est pour qu'elle reste, c'est pour trouver des solutions, c'est pour dialoguer, parce qu'effectivement, il faut trouver des solutions assez fines. Des solutions intermédiaires, c'est bien pour personne. Hein. Un chantier, c'est pas facile, ce sera pas facile pour les enfants de l'école, c'est pas facile pour les animaux, c'est pas facile pour la bergerie qui doit déménager. Ensuite, elle retrouvera une place. Dans le futur, moi, j'espère qu'on signera d'autres conventions pour la nouvelle bergerie, qui devrait occuper à peu près la moitié de l'espace de pleine terre extérieure, et à côté, le jardin qui pourra être exploité aussi, on pourra construire collectivement un jardin ouvert au public. C'est ça la condition, c'est que ce jardin soit ouvert au public. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a vraiment aujourd'hui des jardins pour les tout-petits, il y a le sens de l'humus qui travaille là-dessus, il y a vraiment quelque chose de faisable, de bien. Donc effectivement, la transition est difficile parce que voilà, il faut rétablir la confiance. Moi, je suis tout à fait favorable non seulement à cette convention, et je parle là au nom de Bagnolet en commun, mais aussi à de futures conventions et évidemment des conventions qui permettent le maintien et je dirais même le développement de la bergerie sur cette parcelle qui, comme ça a été dit, sera beaucoup plus grande. Avec 20% du cheptel, avec un terrain beaucoup plus petit, etc. etc. Mais le cheptel sera reconstitué. Il y aura peut-être des nouveaux petits agneaux qui augmenteront le cheptel. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Pathétique, pathétique. Et il en est chaque année. Est-ce qu'il y a d'autres ? Donc, je propose de passer aux voix qui est pour approuver cette convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec Sort de Terre, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. Protocole d'accord tripartite ville OPH Sort de Terre, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération suivante, subvention d'équilibre à verser par la ville à l'OPH dans le cadre de l'opération Franklin. Édouard. Oui, brièvement, au Malassis, le renouvellement urbain prévoyait que l'OPH détruise 230 logements et en reconstruise autant. Il y a 4 sites de reconstruction qui ont donné lieu à ces reconstructions, dont le projet Franklin qui est rue d'Aumier avec en 2021, 63 logements en PLUS y ont été livrés. Et pour cette opération, d'un montant total de 12 millions d'euros, la ville verse une participation à l'opération à hauteur de 443 640 euros, soit en gros 4% de l'opération, puisque pour l'essentiel, c'est des financements en rue, Action Logement et toute une série de prêts, dont des prêts de la Caisse des dépôts. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des remarques ? Donc, juste pour indiquer que je crois qu'on avait déjà été saisi sur un autre élément de financement de cette opération déjà antérieurement au Conseil municipal, et comme on l'avait fait la précédente fois, on votera pour, puisqu'on soutient effectivement la construction de logements sociaux, ce qui n'est pas le cas de toutes les démolitions envisagées, mais je ne rouvre pas le débat. Je propose de passer au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération suivante, extension du périmètre du permis de louer au centre-ville. Édouard. Oui, délibération importante. On a déjà évoqué le renforcement du permis de louer, et là, on va délibérer sur son extension au centre-ville. Je redis quelques mots. Le permis de louer, c'est un dispositif qui était dans la loi Allure, que Bagnolet a mis en place d'abord de manière expérimentale en 2018, et là ensuite pérennisé dans le quartier des Coutures, dans un petit morceau de centre-sud. Pourquoi aux Coutures ? Parce que c'est un dispositif de lutte contre l'habitat indigne, que c'est qu'était identifiée la majorité, en tout cas la proportion la plus importante dans les quartiers de la ville d'habitat privé insalubre. Et comment ça marche ? Et bien, c'est le système déclaratif Je suis bailleur privé, je mets en location, je dois déclarer à la ville ma mise en location. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est deux choses. J'ai parlé, alors je vais faire comme M. Jamais n'aime pas, je vais déborder un peu la délibération, mais d'abord, essayez, ce que vous venez de dire à Chaouki, essayez de dépasser la simple déclaration. Bagnolet n'a pas les moyens de mettre en œuvre le système d'autorisation, c'est-à-dire avoir un contrôle avant, préalable, chaque mise en location. En revanche, par un conventionnement avec la CAF, la CAF transmet désormais à la ville de Bagnolet les ouvertures de droit au logement qui permettent de croiser les fichiers, de voir si les déclarations sont aussi importantes que les mises en location. Donc ça, c'est un travail important de compréhension du maillage des mises en location. Ça permet de mieux identifier les bailleurs indélicats. Et la délibération, là, permet d'étendre le périmètre du permis de louer, de l'étendre au centre-ville. Donc, dans la délib, je suis quasiment certain, dans la délib, vous avez la liste de toutes les adresses, de toutes les rues qui font l'objet de cette extension. Et cette extension du périmètre de louer, elle suit les contours de l'extension de l'OPA, hein, de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, sur laquelle nous avons délibéré il y a un an, je crois, pour l'étendre des coutures au centre-ville. Donc c'est un dispositif important. La collaboration avec la CAF, on est les premiers à être ensemble à l'avoir. Le maire a signé, je crois que c'est le 20 avril, la convention avec la CAF. Et ça va nous permettre de faire mieux, de mieux connaître le tissu, de rappeler aux bailleurs indélicats leurs obligations, de faire des contrôles, et il y a un pouvoir de sanction derrière potentiel, et puis d'étendre au centre-ville qui, des retours qu'on a, est aussi concerné. Voilà pour les éléments de cette délibération. Monsieur Jamais. Oui, alors d'abord pour préciser une chose, c'est que, au contraire, j'adore les digressions et ça permet d'avoir un débat sur différents sujets. Donc, ce n'était pas tout à fait le sens de mon propos tout à l'heure. Non, mais d'abord, dire aussi que parfois, dans le cadre du débat que nous avons, qui est normal entre une opposition et une majorité, il y a des sujets sur lesquels on s'accorde. Donc, moi, je suis évidemment très favorable au permis de louer. Vous avez rappelé effectivement que... Il y a deux possibilités de l'instauration de ce permis. Vous avez expliqué pourquoi, évidemment, cette forme existe aujourd'hui à Bagnolet. Que, évidemment, moi, j'avais, dans le précédent sujet, notamment sur les coutures, je trouvais que c'était bien de pouvoir renforcer. Vous venez d'expliquer pourquoi, comment on compte procéder, notamment avec la CAF. Donc, c'est des choses qui nous sont tout à fait satisfaisantes. On est content d'ailleurs de voir aussi que, évidemment, l'aspect expérimental a commencé par les coutures. Et vous avez eu raison de rappeler que c'était un des quartiers qui vivait avec notamment beaucoup d'habitats insalubres. C'est vrai que le centre-ville également, il y a d'autres quartiers dans la ville qui connaissent aussi ces situations. Et nous, on aspire qu'à une seule chose, c'est que, évidemment, ce dispositif s'élargisse à l'ensemble de la ville. Et donc, nous voterons pour. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Deux délibérations. Approbation de la création d'une société publique locale, Sequano Grand Paris, et prise de participation, et restructuration et augmentation du capital de Sequano. Cédric Pape. Bah, je vais commencer par la SPL. Donc, c'est une note essentiellement technique. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la création d'une SPL Sequano Grand Paris et d'approuver l'acquisition de 1000 actions, ce qui représente donc un montant total de 10 000 euros pour avoir un siège au sein du conseil d'administration. Donc, voilà pour l'essentiel. Et donc, juste pour rappel, il y a deux SPL sur le territoire, Montreuil et Pantin. Il s'agit donc d'en créer une troisième. Et je pense avoir fait le tour du sujet. Et donc, évidemment, ça permettra, grâce à cette SPL, et c'est ça l'essentiel en fait, de pouvoir l'utiliser comme d'un outil d'urbanisme pour pouvoir développer nos projets. Merci Cédric. Monsieur Vionnet. Oui, juste une question, parce que bon, un certain nombre de SEM qui produisent des outils société publique locale, et on sait pourquoi, c'est parce que la Commission européenne, depuis un certain nombre d'années, tic, pour employer un gentil mot, sur le statut français des SEM, et a effectivement poussé à développer sur des modèles allemands ou italiens des sociétés publiques locales. Bon. Donc AXE, c'est quoi, nous le fait, d'autres l'ont fait avant, etc. Par contre, moi, ma question, c'était que vous choisissez, parce que la ville de Bagnolet n'est pas l'initiative de cette SPL, dont l'actionnariat sera, le plus gros actionnaire sera le département, vous choisissez d'y adhérer et d'y prendre des parts, c'est pour quelles actions, puisqu'on sait que l'aspect facilitant d'une SPL, c'est qu'elle permet à ses membres de lui passer des commandes sans mise en concurrence. Et donc, du coup, je voudrais savoir sur quelles actions, parce que j'imagine que vous ne le faites pas pour le plaisir d'acheter des actions, c'est sur quel projet d'aménagement, de construction, que sais-je, vous avez en tête de confier à cette nouvelle SPL, parce qu'on a vu qu'à Bagnolet, on a toute la palette des outils séquano, puisque à l'occasion de la délibération sur le terrain PIF, on avait découvert une société dont moi j'avoue je n'avais pas du tout percuté de la création, la Human, si je crois. Non, mais, et qui était là une société qui est une filiale aussi de séquano, si non. Je ne m'abuse. Non, non. Vous vous abusez. Vous vous abusez, ça n'est pas une filiale de séquano. Donc, on rejoint cette SPL tout simplement pour poursuivre le travail sur le NP NERU à l'ANOU, et c'est un secret pour personne. On travaille avec Est Ensemble à la création d'une ZAC sur le secteur Gallieni. On a eu l'occasion d'en parler en conseil municipal. C'est ce qui nous pousse à rejoindre cette SPL. Au même titre que Montreuil a exactement le même dispositif. Ouais. Il n'y a rien d'extraordinaire non, mais y avait pas, dans y avait ce pas, montage-là. Il n'y avait, si avait pas dans ma question de vis. Il y avait juste de dire, parce qu'effectivement, je pense que les acquis, il y a un certain nombre d'actions en cours. C'est quoi nos travaux sur le territoire communal depuis un certain temps, hein. Varlin, Benoît-Ayure, la concession d'aménagement de la Noue. J'imagine que pour des avant, raisons... elle s'appelait la SIDEC. Voilà. Elle est issue, oui, on peut jouer à l'histoire, elle est issue de la fusion de la SIDEC et de Sodeda de 93, si mes souvenirs à moi aussi exactement. Sont exacts. Exactement. Et tout ça a donné une société qui s'appelle Séquano, mais enfin, tout ça est quand même un peu la même chose. C'est dans la prochaine note, d'ailleurs. Mais du coup, j'imagine que les missions en cours, comme partout, vont se poursuivre via l'outil SEM pour ne pas remettre en cause les contrats juridiques en place. Donc ma question, elle n'était pas du tout perfide. Ah, elle était simplement de savoir quel projet nouveau vous avez en tête de confier à cette SPL, puisque j'imaginais que c'était ça qui vous motivait pour en être, pour être au capital. Eh bien, au même titre que la ZAC Benoît-Hur, qu'on va bientôt terminer, okay. Au bout de 30 ans, il est envisagé, comme on vous l'a déjà dit lors d'un conseil municipal précédent, de créer de nouvelles ZAC. Et à ce titre-là, il y a des pré-études à faire, et vous le savez pertinemment bien, et que ça pourrait être une des missions qu'on pourrait confier à cette SPL, qui, encore une fois, est un outil complètement classique. Et encore une fois, je me répète, mais ça existe à Montreuil et à Pantin. Est-ce qu'il y a d'autres... On est bon ? Passe aux voix, donc il faudra également désigner un représentant à l'Assemblée générale des actionnaires et un représentant au conseil d'administration. Donc je propose que nous désignions Cédric Pape, donc qui est pour cette délibération, qui est contre, qui s'abstient. Et je propose de désigner Cédric Pape, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. La 15, Cédric, restructuration et augmentation du capital de Séquano. Alors là, pour le coup, c'est encore plus technique parce que ça n'engage pas de recettes, de dépenses pour la ville, excusez-moi. C'est juste une modalité puisqu'on est déjà actionnaire de la Séquano. Comme vous pourrez le lire dans la délibération, il y a toute l'histoire de la Séquano qui est bien retracée. Comme ça, ça permettra de savoir d'où vient la Séquano. Donc, la Séquano est une société d'économie mixte. Et Bagnolet en est l'actionnaire. Le conseil d'administration de cette SEM a décidé d'engager une restructuration, notamment pour se mettre en cohérence avec la loi NOTRe, mais aussi financer ses filiales et aussi d'inclure les autres EPT. Donc c'est vraiment une cohérence. Donc du coup, comme on est actionnaire, il faut délibérer parce que sans engager de nouvelles dépenses, parce que nous n'avons pas voulu en fait augmenter notre capital, enfin notre actionnariat au sein de ce capital, nous allons perdre forcément des parts au vu des nouveaux entrants. S'il y a des remarques, pas de remarques, je propose de passer aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. Délibération suivante, tarification de la taxe de séjour 2023. Marie. Bonsoir. Alors, au niveau de la taxe de séjour, alors on a augmenté le plafond de cette taxe de séjour, comme le prévoit la loi de finances. Alors, cette augmentation, elle concerne les trois plafonds les plus élevés, c'est-à-dire les palaces, les 5 étoiles et les 4 étoiles. Et deux modifications seulement sont proposées, c'est-à-dire l'augmentation de la taxe sur les palaces. Cette catégorie n'existe pas dans cette ville, je pense que vous l'avez constaté, mais le montant de cette catégorie, elle s'applique sur les hébergements sans classement, c'est-à-dire type Airbnb et Formule 1. Alors, ça sera fixé au maximum à 5% du prix de la nuitée. La seconde augmentation concernera les 4 étoiles. Alors, les 4 étoiles, c'est plutôt un arrondi pour le montant total qui sera de 3 euros et la hausse sera de 5%. Et concernant les 4 étoiles, on va dire qu'à Bagnolet, on en a deux, c'est le Novotel et le Novotel et le Suite Novotel. C'est pour cette raison qu'on demande au conseil municipal d'approuver l'application de cette grille tarifaire. Merci Marianne. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Allez-y. Juste une question, je profite du sujet taxe de séjour hôtel pour vous demander où en est le projet d'aménagement des tours mercuriales qui devait se transformer en hôtel. Encore une semaine. Encore une semaine de patience. C'est long une semaine, monsieur le maire. Je vous dirai, on vous dira, il y a... Mais le projet est toujours des circonstances. Il est des crises Covid. Le projet, en fait, si vous voulez, suite, comment on peut dire, on peut parler de défaillance, de faillite, d'Omnan Group qui avait obtenu un permis de construire pour les deux tours, une tour de bureau, une tour d'hôtel. 85 000. Un administrateur judiciaire a été désigné par le tribunal de commerce. Des offres ont été remises, confirmées hier, et le tribunal va réceptionner un chèque la semaine prochaine d'un des candidats pour une offre, pour un projet qui sera différent de celui qui avait pu être présenté. Donc l'information sera officielle dans le 30. Merci. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, convention d'objectifs et de financement, plan d'aide exceptionnel en investissement entre la CAF et la ville de Bagnolet, multi-accueil, Tofoletti, Zora. Bonsoir. La délibération concerne une subvention. Qui a gagné une belle compétition le week-end dernier et qui intègre les 20 premières, sabreuses en vue des Jeux Olympiques à venir. Merci. Alors là, c'est une convention, une délibération un peu classique avec la CAF. Alors, on a reçu à avoir un plan d'aide exceptionnel en investissement entre la CAF et la ville suite à l'ouverture il y a 9 mois de notre crèche Guy Tofoletti d'une capacité de 35 berceaux. La somme obtenue par la CAF est de 402 500 euros et il est demandé d'approuver de voter afin que ce montant soit accepté au budget, intégré au budget. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante. Convention et contrat de prêt d'aide financière. L'investissement entre la CAF et la ville. Même exercice. Alors, pareil. Deuxième délibération sur une convention et contrat de prêt d'aide financier obtenu par la CAF. Alors, l'aide est un montant de 87 500 euros qui est divisé en deux branches, une subvention de 35 000 euros et puis un prêt d'aide de 52 500 euros. Voilà. Des remarques? Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante, ajustement de la tarification des prestations municipales. Olivier. Oui, on a eu un débat au dernier conseil municipal sur ce sujet, assez long. Et dans le cadre de ce débat, vous avez soulevé certains points qui, pour vous, semblaient poser difficultés. Je pense notamment pour ce qui est de Solène Nobouris et de Mme Silly, à la question de la fameuse étude du soir, étude dirigée, étude surveillée, et qui nécessitait des précisions. Donc, on a souhaité effectivement pouvoir immédiatement, au conseil suivant, apporter ces correctifs. Qui nous amène à abroger la délibération que nous avons prise la dernière fois et à passer une nouvelle délibération et de nouveaux documents annexés, notamment le règlement intérieur, qui vient notamment apporter cette précision sur l'étude, qui apporte des précisions également sur les questions d'inscription que vous aviez soulevées lors du conseil municipal précédent, et qui vient également, ce qui est intervenu entre-temps dans notre réflexion, conserver le tarif de la pause méridienne en projet d'accueil individualisé à son tarif antérieur. Donc, pas d'augmentation pour ce tarif particulier en comparaison des autres tarifs qui sont actualisés du fait des mécanismes que j'avais décrits au dernier conseil municipal de Longa. Donc, c'est une délibération essentiellement qui vient apporter des éléments de précision, des corrections qui ne changent rien à l'ergonomie générale de la réforme actualisée que nous avions présentée, mais qui, je pense, satisferont pour l'essentiel les points que vous avez soulevés la dernière fois. Des remarques ? Pas de remarques ? Madame Desborcy. Merci. Donc, si je comprends bien, on adopte il y a un mois une délib, on l'abroge un mois plus tard parce qu'on vous a demandé ce qu'il y avait dans les. De quelle nature étaient les études du soir, c'est ça ? C'est pour cela. Est-ce qu'il y a une autre modification dans cette délibération qui nous a échappé ? C'est un peu caricatural, Madame Desborcy, ça ne vous ressemble pas. Édouard, qui a travaillé sur le sujet avec Madame Arnaud. Je suis surveillé. Et toi ? Non. J'ai une question alors. Pardon. J'avais pas terminé. Alors, qu'est-ce que vous entendez par étude du soir ? Finalement, comment ça se passe une étude du soir ? Combien d'enfants encadrés par un enseignant, par un animateur ? C'est flou. Donc, quand c'est flou, il y a un loup. Donc, merci de nous préciser ce que sont ces études du soir. Du coup, je suis un peu surpris parce que je pensais qu'on était parents d'élèves dans les mêmes écoles et que nos enfants fréquentaient les mêmes études. Donc, l'étude à Bagnolet n'est pas dirigée, elle est surveillée. Entre 16h30 et 18h, les enfants peuvent suivre une étude donc qui est encadrée par un adulte, où ils peuvent réviser leurs leçons et non pas faire leurs exercices, puis il n'y en a théoriquement plus. Et soit des personnels éducation nationale qui souhaitent encadrer, soit d'autres intervenants encadrent formellement des groupes. On ouvre, entre guillemets, théoriquement une étude par tranche de 25 enfants. Et c'est bien une étude surveillée et non pas une étude dirigée. Ce que vous avez soulevé la dernière fois, c'est des... incohérences entre différents documents qui avaient été circulés, dont un improprement reprenait le terme d'études dirigées. Donc ce sont bien des études surveillées, et il n'empêche qu'on travaille avec Frédéric Gabin, la direction de l'éducation, à améliorer à l'avenir ce dispositif, avec éventuellement un dispositif mixte. Accueil de loisirs, études dirigées. Il y a plusieurs possibilités qui sont étudiées. Peut-être se rapprocher du dispositif Montreuilois, qui est un dispositif mixte et qui a l'air de plutôt bien fonctionner, mais on viendra en parler lorsque les choses seront un petit peu plus travaillées. En tout état de cause, le but du jeu, c'est d'améliorer et éventuellement aussi d'uniformiser, puisque... la sortie d'accueil du soir en maternelle se fait à 18h30, alors qu'en élémentaire, il se fait à 18h. Ce n'est pas forcément très souple pour les familles. Donc, voilà, il y a un travail qui est mené sur le temps d'étude, sur la qualité de l'étude, sur la mixité des accueils. Et c'est un travail qu'on essaiera de faire aboutir assez rapidement. Oui. Ok, donc si je comprends ce que vous dites ce soir, pour l'instant vous renoncez aux études dirigées, donc mais peut-être qu'il n'y a jamais eu d'études dirigées, peut-être que c'était un abus de langage, mais vous n'évacuez pas la possibilité de modifier le dispositif avec l'accompagnement scolaire dans nos quartiers, l'aide aux devoirs, c'est un sujet qui n'est pas un sujet trivial, qui est un sujet tout à fait essentiel. Bon, aujourd'hui, donc, il y a une clarification, parce que des enseignants, jusqu'à, on fréquentait la même école, et ce n'est pas faute que les enseignants, pour citer cette école à Joliot-Curie, aient dit à de nombreux conseils d'école, nous offrons, nous réalisons des prestations d'études dirigées à des taux horaires d'études surveillées. Je referme, bah vous en parlerez, je ne sais pas qui représente la majorité enfin, au conseil d'école, mais le sujet n'a pas été, n'est pas réglé à ce jour. Puisqu'on parle de tarifs de prestations municipales et puisqu'on parle d'école, il y a quand même un sujet aujourd'hui qui est le sujet de vous avez réévalué, réajusté le tarif des repas, des cantines, la pause méridienne. Alors, on va pas réouvrir le dossier Sodexo. Bon, on pourrait, hein, parce que vous êtes parfaitement au courant que le dossier sera toujours aussi brûlant à la rentrée, que le mécontentement des familles est toujours aussi vif, d'autant plus que pour certaines familles, alors je vous rejoins, ce sera probablement les plus aisés, mais la pilule va être difficile à passer compte tenu de ce qu'on met dans l'assiette de leurs enfants. Moi, je voulais parler du tarif du repas qui est proposé aux enseignants. Aujourd'hui, les enseignants sont facturés du tarif le plus haut. Donc, je ne sais plus, je crois que c'est 5,70 €. Je n'ai plus la délib sous les yeux. 5,70 €. Sans calcul, sans prise en compte de l'échelon auquel ils sont. Pour tout le monde, c'est même tarif 5,70 €, presque 6 € pour bénéficier d'un repas qui est, pardonnez-moi, de qualité plus que discutable. Donc, ce qu'on nous dit, ce que les enseignants nous disent, c'est qu'on fait chauffer le micro-ondes et qu'il y a de moins en moins d'enseignants qui bénéficient de repas. Bon, là, c'est le premier point. Puis ensuite, puisqu'on parle des avantages qui sont mis à disposition des enseignants, je suppose qu'il y a le sujet du stationnement des enseignants vous a pas échappé. Il y a un vrai sujet, peut-être auquel il faudra répondre rapidement. Bon, ça fait rire là-bas, tant mieux. Oui, tout le monde ne vient pas à vélo, tout le monde ne peut pas. Il y a des enseignants et des enseignantes qui sont enceintes, qui ont besoin de venir travailler. Alors vous allez me dire, on est en petite couronne, elles peuvent venir en métro. Ok, d'accord. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ces enseignants et ces enseignantes se font aligner, pardonnez-moi l'expression. Donc, bon. Mais si ça vous fait rire, c'est parfait. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu la double peine. C'est tarifs pour déjeuner sans modulation et puis prune, pardonnez-moi l'expression, si on est mal garé, parce qu'on ne peut pas se garer. Édouard, Olivier, Émilie. Bon, l'étude est surveillée, elle a toujours été surveillée, elle a toujours été dans les mêmes conditions depuis X années. Donc il n'y a jamais eu d'étude dirigée, il y a eu peut-être des fiches qui ont circulé, qui n'avaient pas le bon phrasé. L'étude, elle est surveillée. On paye pour une étude surveillée. Les enseignants surveillent et sont payés pour une étude surveillée. Oui, mais en fait, je ne sais pas comment je peux le dire. Je ne dois pas être assez explicite. Mais effectivement, il y a des endroits où c'est mal marqué. Mais quand les enseignants signent leur convention en début d'année avec la ville, il est bien marqué que c'est une étude surveillée, qu'ils sont payés pour une étude surveillée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que oui, on peut réfléchir à s'améliorer, on peut réfléchir à faire mieux, donc réfléchir à comment plus tard mieux encadrer les enfants, diriger l'étude et ne plus la surveiller. Je vous dis que c'est un élément d'amélioration. Je ne vous dis pas qu'on le faisait avant et qu'on ne le fait plus maintenant. Enfin, il ne faut pas tout mélanger. Donc, c'était comme ça avant, on va essayer de s'améliorer. C'est juste le sens de cette réflexion. Olivier. J'ai l'impression qu'il y a un petit exercice de bingo ce soir où chaque délibération donne l'occasion d'ouvrir le débat sur des sujets, les mercuriales, la politique de stationnement. On est là pour débattre, hein, il n'y a pas de problème. Tarif de prestation municipale. Émilie Trigot vous répondra sur le stationnement, oui. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux juste vous dire un mot sur... Je veux dire un mot sur le tarif, puisque c'est votre question. D'abord, je rappelle que les enseignants ne payent pas le tarif extérieur. Ils payent le tarif maximal bagnoletais. Mais c'est une grosse différence, parce que ça veut dire que la ville, prend déjà à sa charge, c'est-à-dire le contribuable local prend à sa charge une fraction importante du tarif payé par des personnes qui ne sont ni des habitants de la ville. Ils peuvent l'être par ailleurs, mais voilà. ni des agents de la ville de Bagnolet, qui ne relèvent pas de la politique sociale que la ville de Bagnolet met en œuvre pour ses propres agents. Donc c'est une prise en charge financière par la ville d'une politique sociale, le cofinancement du repas du midi, par des agents qui ne relèvent pas de la collectivité de Bagnolet. Donc on ne va pas en plus avoir une tarification, qui serait une tarification en fonction des revenus ou de la rémunération, qui relève de la responsabilité de l'Éducation nationale. La ville de Bagnolet fait déjà prend déjà suffisamment en charge un certain nombre de choses qui ne sont pas prises en charge par l'État pour continuer à chaque fois d'étendre son périmètre pour prendre en charge ce que ne fait pas l'État. Effectivement, l'État, qui gèle le point d'indice des fonctionnaires depuis de très nombreuses années et qui fait que les rémunérations de rentrée, y compris les rémunérations en fin de carrière, sont insuffisantes, notamment comparées aux autres pays, devrait peut-être mettre en œuvre une politique d'accompagnement du prix des repas pour ses agents. Mais ce n'est pas à la ville de Bagnolet de se substituer à l'État pour le faire. Et pourtant, on le fait déjà en partie parce qu'on applique ce tarif bagnoletais et non pas le tarif extérieur. Merci Olivier. Émilie, qui est intarissable sur le stationnement. Ah, j'adore le stationnement. Non, il ne vous aura pas échappé qu'on remet en place la verbalisation des zones bleues. Alors tout le monde s'est quand même suffisamment beaucoup plaint sur le fait que plus rien n'était contrôlé dans cette ville en termes de stationnement, et tous ceux qui se plaignaient avaient raison pour ne pas critiquer aujourd'hui le fait qu'on reverbalise les zones bleues. J'espère au moins là-dessus qu'on est tous en accord. L'objectif, et j'espère aussi que celui-là on le partage, c'est des circulations apaisées, moins de véhicules sur la ville et surtout moins de véhicules extérieurs à la ville qui venaient se garer ici, puisque c'était cool, à Bagnolet, c'était gratos. Le but, c'est pas de pénaliser les Bagnoletais, puisqu'on reste encore une des dernières villes, à ma connaissance, qui permet encore aux Bagnoletais d'avoir un véhicule qui se gare gratuitement sur la commune. C'est le cas dans aucune des communes limitrophes autour de chez nous, je me suis renseignée. Non, mais je continue, je déroule. Du coup, je comprends évidemment la problématique des enseignants qui considèrent qu'on ne peut pas accéder à Bagnolet en transport en commun, en vélo ou à pied. Je l'entends et j'entends évidemment la situation d'une enseignante qui serait enceinte. Mais ce que l'Éducation nationale m'a demandé comme vignette de résidence, c'est 70. Et puis j'en ai eu 15 du conservatoire. Et puis j'ai eu tous les profs du collège travail. Donc moi, je veux bien qu'on délivre des vignettes de résidents à tous les profs de la ville. Et puis après, va falloir m'expliquer ce que je réponds à tous les employés de Lidl, de Auchan ou de toutes les structures posées sur la ville. Donc la réponse est non sur les vignettes de résidents. Mais là où vous n'êtes pas très bien renseigné, c'est que la réponse qui a été faite à l'Éducation nationale il y a plus de 10 jours maintenant, c'est le stationnement résidentiel en zone bleue, c'est soit une vignette, soit un disque de stationnement pour une heure et demie. Là aussi, on n'est pas complètement débile. On se doute bien qu'une heure et demie, ce n'est pas possible quand on est prof et qu'on a une classe de 9h à midi et de 13h30 à 16h30. Et donc, avec attestation de l'Éducation nationale, c'est dérogation pour 4 heures. 8h45, midi 45, 16h45. Donc, ils peuvent stationner en zone bleue avec un disque de 4 heures et une attestation de l'Éducation nationale. Effectivement, je ne suis pas très bien renseignée, je n'avais pas cette info, mais à aucun moment vous envisagez un tarif professionnel et pas résidentiel. Alors, ce qu'on envisage, c'est plus... Alors, du coup, bah, je déroule. Rédire. Et vous ne m'avez pas vu devant Fromont hurler sur ceux qui se garent sur les nouveaux trottoirs de la rue Grindorge. Je pense qu'il faut que je me calme parce que je vais être... Bref, peu importe. Aujourd'hui, on a... Quoi ? Il y a un bien de mon placement, rue Grindorge, qui vient de s'ouvrir. Je ne sais pas si vous avez fait attention, on fait la fameuse chicane. Ah, si, c'est là que j'ai hurlé. On l'a repéré, on va trouver une solution pour empêcher de donner très envie de se garer là, c'est une certitude. Non, aujourd'hui, l'idée était, mais ça j'en avais déjà parlé aussi, il existe sur la ville, à la Louche, 350 places de stationnement payant uniquement en centre-ville et un tout petit peu à centre-sud. Le reste du stationnement sur la ville, sauf rue très exceptionnelle, type Blanqui, qui est du stationnement blanc, c'est-à-dire pas du tout régulé en plus. Le reste, c'est de la zone bleue, c'est-à-dire à peu près 4300 places en zone bleue. L'idée de cette campagne de délivrance des vignettes bleues aux bagnoletaises et bagnoletais qui ont besoin d'un véhicule et qui n'ont pas soit de garage, soit de parking dans leur résidence, c'était de voir combien on en délivrait en mars, avril, mai. On en a délivré un petit millier. Petit millier qui, par ailleurs, comparé à ce qui était délivré avant, qui existait, on avait un fichier de 1200-1300 vignettes. Donc, ça se tient à peu près dans les chiffres. C'est pas tant que ça. Et l'idée, c'est de se dire, évidemment, là, en juin, il y a tous ceux qui n'ont pas eu suffisamment la communication. Pourtant, on a fait les 7 conseils de quartier, le site de la ville, le Bajomac du mois de mars, les réseaux sociaux. On a quand même bien expliqué qu'on renouvelait l'histoire des vignettes bleues. L'idée, c'était de bien pouvoir faire la comptabilisation de combien de bagnoletaises ou de bagnoletais avaient besoin d'une vignette et de le mettre en parallèle au nombre de places. Si on stagne à 1200, 1300 vignettes, Est-ce qu'on a vraiment, réellement besoin de 4300 places en zone bleue sur la ville? Je ne pense pas, sachant qu'en parallèle de cela, on a cette problématique que du coup, on n'offre pas de stationnement pour les autres. Ceux qui veulent venir, qui ne sont pas bagnoletaises ou bagnoletais et qui ont besoin de rester plus d'une heure et demie. Donc on va travailler sur un basculement d'un certain nombre de places et je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on a le début de la réflexion avec ma collègue Edith Félix à la voirie et les services et donc les compétences des agents de la voirie et du chef du service des ASVP, le début de la réflexion sur est-ce qu'on bascule et où un nombre de places de zone bleue en stationnement payant. Auquel cas là, on pourra réfléchir sur le stationnement payant à un mode d'abonnement pour soit des bagnoletaises ou bagnoletais qui ont un deuxième véhicule, on sait que la question se pose, soit des gens qui travaillent sur la commune. Cette réflexion, elle va prendre au minimum un an, je ne vais pas vous mentir. Du coup, en attendant, on a cette solution transitoire. On a fait le tour. Je propose de passer aux voix qui est pour cette délibération, qui est contre. Qui s'abstient, elle est approuvée. Délibération suivante, convention entre la ville et le CCAS. Donc il s'agit d'approuver cette convention qui est la précédente est arrivée à expiration en fin d'année dernière. Elle reprend les termes de la précédente et on va poursuivre le travail entre la ville et le CCAS pour toiletter la convention dans les mois qui viennent. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observations. Qui est pour? Allez-y. Juste une petite digression, une nouvelle. Juste la question, où en est-on dans la mutuelle, voilà, où en est-on dans la mutuelle municipale? On a porté ce projet dès le début de votre nouvelle mandature. Romainville s'est fait, Montreuil ça a été fait depuis un petit moment. Et les Lilas d'ici quelques semaines. Comme disait le directeur de cabinet que j'ai connu, qui est quelqu'un de célèbre, disait toujours c'est en cours. Mais c'est vraiment en cours. Oui. Mais peut-être donnez-moi la parole sur les deux autres délibérations, comme ça on gagnera du temps, et puis je vais vous répondre en même temps si ça vous convient. On approuve d'abord et on enchaîne. Qui est pour cette convention ville-CCAS? Qui est contre? Qui s'abstient? Grégoire sur la mutuelle, et on enchaîne avec convention avec la préfecture pour les actions de santé contrat de ville et journée de check-up santé avec la mutualité française. C'est regroupé, comme d'habitude. Merci, monsieur le maire. Oui, donc sur la mutuelle municipale, mais aussi plus largement sur ces deux délibérations, la mobilisation de la commune pour la lutte contre les inégalités de santé bat son plein et vous pouvez vous être rassuré sur la mutuelle municipale. Nous sommes en train d'échanger avec trois mutuelles qui ont proposé des offres. On avait des remarques et des demandes de compléments sur une mutuelle puisqu'il y a eu la mutuelle qui a été retenue par Romainville et Montreuil justement qui a postulé, mais une autre mutuelle qui nous semble aussi intéressante avec des rapports cotisation, remboursement qui nous semble plus avantageuse que celle que la mutuelle Montreuil-Romainville. On voudrait creuser cette piste-là. On a demandé des compléments et on a bon espoir donc, de passer en conseil municipal du 6 octobre donc, la délibération pour pouvoir choisir la mutuelle. Donc voilà, c'est en cours. C'est vrai qu'on aurait aimé la passer à ce conseil municipal, mais bon, c'est un choix compliqué parce que l'arbitrage entre montant des cotisations et qualité des remboursements nécessite quand même d'avoir... voilà, un esprit critique et des compléments d'information. Donc, en tout cas, vous pouvez compter sur notre mobilisation. Et je suis d'accord que c'est un point important de notre programme, un élément important de l'accès aux soins pour pouvoir permettre aux bagnoletaises et aux bagnoletais d'avoir une assurance santé qui puisse couvrir au maximum leurs besoins. Donc, voilà, on fait au mieux et on a essayé de choisir la meilleure offre. Et c'est pour ça qu'on a pris trois mois de retard par rapport au planning qu'on s'était fixé, qui était le vote à ce conseil. Voilà. J'espère que ça n'ira pas... Enfin, au-delà, je vous fais confiance, bien évidemment. La situation va devenir très tendue, vous le savez, pour les Français de façon très générale. Et je pense que c'est un support dont ils auront très besoin à la rentrée prochaine. 6 octobre est une date... Non, mais je suis d'accord avec vous. Et c'est aussi pour ça que la difficulté, elle est là. C'est vraiment de choisir le bon arbitrage entre le montant des cotisations, parce que c'est aussi un budget important, en fait, la mutuelle santé. Et quand on voit les offres qui nous ont été soumises, en fait, On s'interroge vraiment sur quelle qualité de la couverture, au regard de quelle cotisation, est-ce qu'il faut vraiment des primes avec une entrée de gamme, une offre assez basique en termes de remboursement, mais avec quand même et des primes qui sont abordables, ou est-ce qu'on essaye d'avoir le meilleur rapport entre primes et remboursement? Et c'est vrai que c'est un choix assez complexe. Honnêtement, je pensais qu'on arriverait à le faire plutôt là pour cette délibération-là. Voilà, on a demandé des compléments, mais c'est aussi pour avoir essayé de trouver la meilleure mutuelle. Mais je suis bien conscient que c'est une attente forte et je suis bien placé pour savoir que ce sujet de l'accès à l'assurance santé est une problématique extrêmement importante. Et on aura l'occasion d'y revenir quand, je pense, on montrera la délibération. On verra le niveau des primes demandées. Et c'est vrai que ce sont des montants extrêmement importants pour des couples et personnes âgées. C'est vraiment extrêmement important. Et ça, après, on pourra, si vous aimez bien les digressions, on pourra parler plus généralement de l'assurance privée en France et de l'utilité peut-être un jour de mettre en place une grande sécu comme parfois certains programmes le prévoyaient. Voilà, ce sera un beau débat, je pense qu'on pourra en profiter pour en parler. Et après, donc rapidement sur les deux délibérations, la mobilisation contre les inégalités de santé dans ces deux délibérations, une première délibération, une convention avec la préfecture, où on a des subventions à hauteur de 35 000 euros pour mettre en place différents programmes, et notamment un programme important qui est le programme pour l'accès aux soins des plus démunis. Et ça, je voudrais souligner ce point-là, puisque c'est une subvention pour pouvoir prendre en charge au sein du centre municipal de santé, au sein du centre municipal dentaire, les personnes qui arrivent sur le territoire de Bagnolet et qui se présentent dans les centres municipaux dentaires et de santé sans droit ouvert. Et donc, ça nous permet d'assurer leurs soins au sein du centre et de prendre en charge ces soins. Et plus que juste les soins qui sont vraiment les soins qui sont réalisés au centre, également les soins dans le laboratoire ZTP grâce à une convention qu'on a avec eux, également la possibilité de dispenser certains traitements. Donc voilà, c'est une délibération assez importante. Et la deuxième délibération, c'est également l'accès aux soins et la notion d'aller vers la population pour essayer de multiplier les possibilités d'accéder notamment au dépistage. Et donc c'est un partenariat avec la Mutualité française qui permet pour 60 Bagnoletaises et Bagnoletais, soit recruter via le centre municipal de santé, soit recruter via le CCAS, qui pourront bénéficier de 4 dépistages, dépistage de l'audition notamment, dépistage sur les maladies cardiovasculaires, et qui sera réalisé en octobre de cette année. C'était un programme qui avait été abandonné au moment du Covid et qui reprend et qui était auparavant au sein du centre. Voilà, je vous remercie. Des remarques, des observations? Merci Grégoire, je propose de passer aux voix. Convention avec la préfecture, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Journée check-up santé avec la Mutualité française. Qui est pour? Qui est contre? C'est approuvé. Merlan, qui nous a rejoint en direct de Mantes-la-Jolie. Transfert. Oui, monsieur le maire. Vers le PT. On t'a attendu, Merlan. Ah, vous m'attendiez. Tu peux y aller. Excusez-moi, j'étais avec les associations du réseau de la Fondation Abbé Pierre. Voilà. Voilà. Écoutez, une note très technique, très simple, concernant le transfert des emplois et des personnels de la médiathèque au réseau d'Est Ensemble. Voilà. Donc, il y a 26 emplois qui vont être transférés. Au 1er juillet. Au 1er juillet 2022. Voilà, c'est quasiment demain. Et je serai d'ailleurs à leur côté pour faire la transition politique avec la vice-présidente en charge de la culture, Alexis Lorca, ce jour-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Jamais. Oui, bon, on avait déjà, dans un précédent conseil, évoquer notre position sur ce sujet, c'est-à-dire que la médiathèque, elle est un des fleurons de ce qu'a été pendant de nombreuses années la politique culturelle de notre ville, au même titre que le Cinoche et que voilà, donc pendant de nombreux conservatoires. Merci Pierre. Donc c'est vrai que on trouvait que c'était bien de conserver, je dirais, comme élément la médiathèque comme effectivement ce porte-étendard. Après, c'est vrai qu'on a vu depuis des années des situations quand même devenir difficiles, à la fois sur le budget global de la médiathèque, l'achat de différents documents, la situation s'aggraver du point de vue de la qualité du bâti, de différents problèmes qui mettent vraiment en difficulté les agents et puis l'accueil du personnel. Donc, c'est vrai, et je l'avais dit aussi, que une partie des agents était opposée à ce transfert, mais qu'ils s'étaient résolus d'une certaine manière à l'accepter. Voilà. Donc nous, on trouve aussi cohérent, hein, je veux dire qu'on s'inscrit évidemment dans un projet communautaire, un projet d'établissement public territorial est ensemble, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est pour ça que nous voterons pour. En même temps, en posant une question aussi, voilà. Parce que je pense que les bagnoletais vont continuer à profiter des services, évidemment, de la médiathèque sans aucun problème. Ce n'est pas le sujet, mais je pense qu'il faut, comme cela a été avec, puisqu'on parlait de souvenirs, on se souvient des anciens équipements municipaux. Autrefois, la médiathèque était située, enfin, la bibliothèque était située quasiment derrière nous, là. Enfin, derrière, voilà. Évidemment, ça a été un choix politique majeur de créer cet équipement. Je crois qu'il faut aujourd'hui marquer de manière forte la politique culturelle de la ville. Et ce n'est pas seulement, en l'occurrence, des équipements, mais je dirais une volonté et une politique culturelle qu'il faut aujourd'hui mettre en avant. Merci. Merlin, tu veux ? Je vous remercie pour votre réflexion et j'en prends bonne note. Je propose de passer aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Nous avons une question orale du groupe Ensemble pour Bagnolet. Oui, comme vous l'avez sous les yeux, je ne vais pas la lire à cette heure tardive. Voilà. Et je vous ferai comment ? Merci. Et je vous ferai... Bon. Mais effectivement, cette question sur le sens, elle traduit un peu une inquiétude tout de même, puisqu'on a le sentiment que vous avez choisi de judiciariser un certain nombre de débats politiques, par exemple en attaquant en justice une de nos collègues, d'autres personnalités citoyennes de la ville. On sait qu'à plusieurs reprises, il y a eu des évocations un peu de judiciarisation de cas individuels. Et du coup, le sens de cette question, c'était sur l'utilisation de la protection fonctionnelle, puisqu'on a un peu le sentiment qu'elle peut servir à régler des comptes politiques. Donc du coup, comme vous l'avez vu dans le texte, on vous posait deux questions précises, qui étaient celles des procédures que vous avez engagées à ce titre et de l'état des frais d'avocat consommés au titre de l'utilisation de la protection fonctionnelle. Alors, j'ai engagé une procédure à ce titre. Elle concernait Claire Laurence et le montant des frais d'avocat s'élève à 6 000 euros. Voilà. Oui, c'est cher pour perdre.